C'est-à-dire? Putain, mais qu'est-ce que t'as fait? Qui? Mais t'as écrit plein de trucs, faut pas faire ça, regarde. J'ai pas écrit des trucs. T'as à toi? Ouais, ça va et toi? On va peut-être pas commencer comme ça. Non, bah non. Non. T'as une intro? Non, mais j'ai de la nitro. Ok. Non, on va pas commencer Non, comme ça non, non non. Moi, j'étais au restaurant samedi soir. Eh, hey, c'était bien! Et la serveuse a renversé une bière et un kir sur ma femme et ma fille. Ah bah ça allait être des blondes, tiens. Ça c'est tiens, c'est pour dire des méchancetés sur Bob. Alors qu'il est sympa, Ce Bob. n'est que justice. Exactement. Allez, à la Ah, tienne. allez, justice pour tous, tiens. Comme les lofos qui Pardon, disaient. Kling. Et Glung, Kling, Klung, Glunk. Klung, Klung. À la bonne tienne. Pareillement, oh mon Dieu, mais quelle est bonne, on dirait de la bière. Et Zach. Ouh la vache, oui. Ah, t'as vu? On Elle dirait est un goûtue, hein? mélange de Guinness avec. Avec de la grime, un Ouais. peu. Oh, dis donc, c'est Je te laisse formidable. faire l'intro, vas-y. Enfin, le lancement, c'est bien. Donc, épisode 13, hein, c'est ça? Ouais. Et bonsoir et bienvenue à l'épisode 13 de cette saison 3 de Road to Hellfest. Exact, exact, Bienvenue à exact. tous. Merci. Yeah! Il est. Non. Non, pas ça. Ah bah je vais enchaîner du coup parce que t'as pas l'air. Alors Ah moi, ouais, Bob, comment s'est passée cette petite semaine? Bien. Non, parce que là, faut quand même qu'on Ouais, mais recontextualise. carrément, Ça devient mort. vraiment des petites semaines Bah vu du qu'on se coup, voit ouais. toutes les semaines. Ah ouais, c'est fou. D'ailleurs, petite Si on m'avait dit. annonce, on a failli se voir ce week-end. On était tout À deux émoustillés. doigts, hein. Et puis, bon bah, la roue a pris du jeu, tout ça. C'est ça, ouais. Ça s'est joué à quoi? Un dimanche de bossage. Que dalle, quoi, Ouais, presque. c'est ça. Eh ben, est-ce que je te propose, c'est qu'on reporte. Et Zach, On fait ça? bon, on reporte, allez. On en reparle. On peut se faire ça ce week-end, tiens. Wow. Et on se dit. Moi, je Mais lance, tu sais bah, qu'on là, comme ça. on va un peu, du coup, détruire la légende qui dit qu'on ne se voit pas en dehors du podcast. Écoute, la dernière fois qu'on s'était vu un samedi soir, Ouais. c'était en 2018. Ah, tu veux dire de cette façon-là? Parce qu'on s'est vu un samedi oui, soir, sinon oui. autre. Mais là, c'était un peu pour le boulot, donc Ouais, c'est ça. ça compte pas. Ouais. Très bien. Du coup, cette petite semaine. Bah, tranquillou. Ah ouais? Oh ouais, Rien de tranquillou bilou. spécial. Oh, bon, non, rien de spécial. Eh ben, c'est bien. Ouais. Et toi? Eh bien, rien de spécial. C'est que ça passe vite une semaine. Hein. Bah, c'est pas faux. On n'a pas le temps. On se rattache vite fait, on se sépare, et puis le manque se fait sentir Et et on on se se retrouve. Donc, rempoisonne. j'ai l'impression de vivre une relation à distance. Avec toi-même? Avec toi-même. Avec moi-même. D'accord. Parce que moi, j'ai l'impression de vivre une relation à distance avec moi-même. C'est possible. Mais tu parles à un ancien. Bon, bref. Alors, Arrèze! on va partir et on va digresser pendant trop longtemps sinon. Et alors qu'on a un programme de feu de Dieu. À savoir qu'on a blindé les news parce qu'il n'y a pas d'autre chose par rapport au Hellfest. Voilà, donc on va faire 3 heures d'émission. Voilà, 3 heures d'émission pour bien montrer que ça, on n'a pas besoin de vous. Ouais. On s'en fout. Donc je te propose d'attaquer directement la partie news. Bah vas-y. La partie news. Je m'éloigne du micro comme ça fait un effet. Ah, ça fait un effet d'éloignage du micro. Voilà, je C'est pense que c'est top. pas mal, ça peut Ouais, utiliser. carrément. Faut qu'on teste hein, des trucs de toute façon. Jusqu'à qu'on nous dise, hé hey, les gars, c'était bien. Ah, on Voilà. attend. Hein. Dis-moi, Bob, Oui? est-ce que tu as vu en ce moment la télé, tout ça? C'est pas terrible. Oh, moi j'aime bien. Ah bon? Ah, eh ben pourtant, je te proposerais bien de regarder sur arte.tv le concert Day of the Gusano de Slipknot, filmé le 5 décembre 2015, et qui retrace la participation historique du groupe via le Knotfest, car c'était la première participation dans cette ville connue pour leur passion pour le rock et le métal. Ouais. Est-ce que ce programme t'enchante déjà? Bah déjà ouais, pourquoi pas? T'as pas été jeter un œil? Ah, pas encore. Ah. Bah, moi, j'ai été jeté. J'ai été regarder un peu le jour où c'est sorti. À noter que la réalisation alterne des passages de concert, des commentaires du groupe et des passages avec des fans qui racontent leur passion, amour et sacrifice pour le groupe ou, en l'occurrence, ce concert. Par exemple, tu avais un fan, ses parents ont voulu lui payer une voiture. Bah, lui, il a préféré prendre l'argent et s'acheter une place de concert. D'accord. Il y en a un, il avait les tatouages des 9 membres sur le bras. Ok. Donc, que des gens passionnés, tout ça, et qui disent à quel point ils sont trop contents que Slipknot vienne dans leur ville. Cool. Ouais. Et puis, bon, bah, c'est d'une qualité. C'est une très très propre comme concert. C'est vraiment sympa à regarder, c'est bien fait. Moi, en vrai, je suis pas fan des trucs entre deux. J'aime bien regarder un concert d'une traite. Ouais. Mais c'était pas forcément gênant. Ok. Voilà, donc je te conseille d'aller y jeter un œil. Eh bien, j'irai. Tu as jusqu'au. Je ne sais plus combien, mois de mai. Oh, bon, ça va, je suis large. Ouais, dépêche-toi quand même. Oui, oui, c'est vrai que le temps passe vite. Je sais, voilà. Le temps passe vite. C'est ça, c'est ça. Je t'en prie, news suivante. Mais dis-moi, Jack. C'est moi. Ce ne serait pas le moment Mout ou Goultor. Je sais pas, quelle heure il est. Je sais pas quelle heure il est. 21h54. Ah ben bah voilà, tu vois. Bah parfait, et donc, est-ce que c'est le moment? Je crois. Voilà, je crois, ok. Eh ben c'est parti. Mais si, je le crois bien, hein, n'est-ce pas? Et cette semaine, c'est une nouvelle salve de groupe qui t'est tombée. C'est vrai. C'est donc Bloodbath. Hey. Tiens, c'est rigolo. C'est un groupe que je vais vous parler ce soir. Carpenter Brut. Je vais pas en parler. Magma. Primordial. Voivode. Freak Chicken. Non. Clin d'œil, clin d'œil. Non. Donc, plus maintenant. Non, c'est pas ça, c'est que c'est Freak Kitchen. Freak Chicken. Non, mais ça se rapproche un peu. Ouais, mais c'est pas, ça veut pas tout à fait dire KFC la même chose. Tout ça. Donc, je vais la refaire. Ah, bah, du coup. Mais dis-moi, Jack. Donc, Freak Kitchen. Ouais. Bah, du coup, hein. Clin d'œil, clin d'œil. Crigion. Walking. The Cadaver. The Lazies. Extermination, Dismemberment. Hey. Rien que ça. Ça commence à, comme chaque année, à vraiment prendre une pas la moitié, belle mais tournure. Hein. Si bah, on connaît la moitié, je crois. Des groupes? Ouais. Pas loin. Si on n'est pas, en tout cas, je pense, ouais, on doit au moins être à la moitié, mais bon, il y a quand même pas mal de choses. Est-ce que ta hype a augmenté pour ce festival et cette année? Pas du tout. Eh bien, écoute. Ouais. Non, ça me tenterait vraiment bien d'y aller cette année. Ouais. Alors là, pour te dire, là, la salve de groupe. Présentement, je ne connais pas Walking the Cadaver, The Lazies, Extermination, Dismemberment. Mm-hmm. Primordial, je connais le nom, Voivode aussi, Freak Kitchen aussi, Carpentum Brut, non, ça me branche pas. Oh. Bloodbath, tu vas nous en parler. Ouais. En fait, il n'y a que Magma que je connais. Donc voilà, c'est vachement bien. Hein. C'est ancien. C'est ancien. Faut pas. Il a perdu sa bière. Attends, je vais l'appeler. Pitié de bière. Ah, voilà. Ah, ouais. Bah ouais, non, mais du coup. T'aurais. Parce que je sais. Alors, on le sait tous ici, ouais, les vrai. Auditeurs, moi, toi, le micro. À quel point ça fait des années que tu veux aller au Mout ou Goultor. C'est pas faux. Et que chaque année, l'affiche vient un peu plus titiller. Ouais, ça titille vachement. Moi, je pense que tu devrais y aller en tant que nous. Hein. Tu devrais y aller. Moi, par rapport à mes vacances, en fait, je dois rentrer en plein milieu. Super. Genre, ou juste avant. Donc, mais pas avant où je peux revenir. En fait, je suis sur un entre-deux de petits séjours. Et il n'y a pas une possibilité de largage à Saint-Nolf. Techniquement, Lyon-Saint-Nolf. Mais si, c'est jouable. En tramway loin, hein. En tramway? Ouais, en tram, ouais. Ah, d'accord. Ah, bah écoute, je vais voir, alors. Ou une grosse catapulte. Oh oui! Ça, c'est bien, c'est une catapulte. Avec un wing suite. Est-ce que le ticket est cher? Je crois que ils vont faire des promos pendant les vacances. Donc, du coup, tu vas peut-être les pouvoir choper un. Les vacances de cet été? Ouais. Parfait, je signe. Tu vois? C'est avec moi. Si tu sais pas... Tu demandes. Tu me demandes pas. Eh bien, j'enchaîne. Waouh, c'est fou. Mais ça remonte déjà à 2012. T'as vu le jeu d'acteur? Carrément. Impressionné. J'ai pas mal travaillé. Super. Non, t'as pas de plaquette pour avec des points. Ah merde. Non, dommage. Donc ça remonte déjà. Ah, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Il y a un petit autographe, par contre, à la sortie. Ça. Bien sûr. Ça sera avec plaisir. Ça fait toujours plaisir. Ça remonte donc déjà à 2012 que Days Go By, le dernier album des Offspring, est sorti. Du coup, c'est plutôt une très bonne nouvelle de savoir que le groupe vient de finir d'enregistrer son nouvel album. Enfin, moi, ça me fait plaisir. Ouais. Parce qu'en fait, je pense que t'es un peu comme moi, et j'avais déjà dû en parler, mais Offspring, un groupe qu'on a dû écouter dans les années 90, donc on a suivi 3-4 albums jusqu'à Americana, et puis après, on a fait comme tout le monde, on est passé à autre chose. Exactement. Et en fait, les albums suivants, bon, ils ont un peu pris une autre tournure, peut-être légèrement moins radiophonique, on va dire, moins calqué, typé radio. Ouais. Mais il y a des très bons trucs quand même. Hein. J'en doute pas. Et j'avais, pendant un été, je crois, j'avais réécouté pas mal de tout ce qu'ils avaient fait. Donc, c'est pour ça que je dis que là, je suis assez impatient d'écouter ce nouveau truc. Cool. Voilà, c'était ce que je voulais dire. D'accord. Oui. Mais bien, merci à toi. Ça me fait tes plaisirs. Mm-hmm. Je vous en prie. Jacques. Oui. Je ne t'ai jamais raconté, mais dans les années 80, j'étais un grand fan de Mötley Crüe. Ah non, tu m'as jamais dit ça. Tu ne le savais pas? Le crew, comme j'aime à les appeler. Wow. Le représente. C'est pour ça que la sortie du prochaine, de Dirt, un biopic sur le groupe, me remplit de joie. Ça me fait plaisir pour toi. Et ben, pareillement. C'est donc le 22 mars, ou le 22 mars, prochain, que sortira sur Netflix. Alors, uniquement pour les abonnés Netflix, parce que ceux qui ne sont pas abonnés, du coup, ne pourront pas profiter du crew. Mais, sachant que le premier mois est gratuit, ils peuvent très bien s'abonner, tester et se désabonner. Exactement. Voilà. Et puis, en même temps, Netflix, quand tu y as goûté. Hein. C'est ça. Voilà, voilà. Voilà, alors donc, comme je disais, sortira sur Netflix ce film que je risque de regarder bon nombre de fois. Ah bah. Oulala, moult, moult. Et réalisé par Jeff Tremaine, le mec derrière les films de Jackass. Intéressant. Voilà, voilà. Tommy Lee sera interprété par le rappeur Machine Gun Kelly, que nous avons pu admirer au Main Square. T'en souviens-tu? Tu t'en souviens? Ah, je m'en souviens, oui. Ah ouais. Les pris en photo, tout ça. Cool. Je m'en souviens. C'était horrible. Et ouais, j'imagine bien, ouais. Le film est une adaptation du livre The Dirt, et qu'il y aura 4 nouveaux morceaux sur la BO de ce film. Waouh. À savoir un titre avec Machine Gun, et une reprise de Tadonna. Madonna? Oui, Tadonna. Oh bah. Mais c'est étonnant. Eh oui. La bande-annonce déjà dispo laisse présager, du meilleur que certains autres biopics. Oui, mais non, excusez-moi, je me suis étouffé. Oui, oui. C'est un morceau d'éclair. Ah, il est parti. Ouais, il est parti. Ah, c'est cool. Bah, déjà, merci pour te confier à nous au sujet du crew, parce que c'est franchement un groupe que j'aurais pas pensé que tu aurais aimé. Bah ouais. Et crew des cracras. Et du coup, as-tu jeté un œil à la bande-annonce? Oui. Et alors? Ah bah ça laisse présager un bon biopic. Il y aura de l'Oscar dans l'air. Tu sais, auditeur, c'est un moment que je prends avec toi pour te dire que dans ces moments-là, je ne sais pas s'il rigole ou pas. Donc je suis comme toi, je suis perdu. Bah moi, je l'ai vu. Tu vois, moi, je l'ai vu. C'est ma poker face. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Moi, je l'ai vu cette bande-annonce et en vrai, le film a l'air plutôt sympa. Enfin, ça me donne envie de le voir. Ok. Et alors que je suis pas du tout fan du crew. Bah ouais, ouais. C'est dommage parce que. News suivante. Acme, c'est fini. Oh. Je peux le faire si tu veux. On en a déjà pas. D'accord. Acme, c'est fini. Oh! Oui, oui, on en a déjà parlé. 2019 sera la dernière année pour le groupe. Oh! Et donc la dernière tournée du groupe. Oh! Pour fêter ses 20 ans d'activité, et c'est le 12 avril que Requiem sortira le dernier album de la dernière année du groupe. Oh! J'aurais fait plus long parce que. D'accord. Ah, bien sûr, je tiens à rappeler avoir dit dans cette émission. Que j'aurais bien aimé les voir une dernière fois, mais ça me semble un peu compromis. Ouais, je pense aussi, ouais. Mais bon, c'est dommage. En tout cas, je jetterai forcément une oreille, voire deux, sur Requiem dès le 12 avril prochain. Tout à fait. Et toi? Je crois pas. Je pense que je serai pas là. T'as un truc? J'ai un truc de prévu, et du coup. C'est con. Parce que bah ouais, c'est dommage. Question d'agenda, quoi. Bah c'est ça, ouais. Ah, c'est, tu sais, des fois ça se joue. Après, si je peux me permettre, tu dois pouvoir l'écouter aussi le 13. Ouais, mais je crois que je vais pas pouvoir non plus parce que j'ai un autre truc de prévu. Je suis assez pas mal pris là, ces derniers temps. Entre le 12 et, le... Et la fin, et de, la fin de ma vie. Très bien. Voilà, voilà. En tout cas, ça change rien que c'est quand même triste que ça s'arrête pour Acme. Mais bon, 20 ans, c'est déjà un bon anniversaire. Ouais. Donc, happy birthday to you, Acme. News suivante. Bonsoir. Parlons un peu de System of a Down et parlons avenir. L'avenir de nous ou l'avenir de System of a Down? Non, je crois qu'on n'a aucun avenir. C'est pour ça. Parlons pas de trucs. Non, non, non. Non, non, juste de System of a Down. Enfin, le temps que j'en parle. D'accord. En décembre dernier, Shavo Odadjian a déclaré « Ce n'est qu'une question de temps jusqu'à ce que nous entendions de la nouvelle musique de Saud. » à savoir System of a Down. Down, je savais, je savais. T'es incollable. Ah, c'est foufou. Un avenir radieux se profile sur le monde. Au loin de l'horizon. Mais le lendemain, Serge Tankian, chanteur de son état, Paraît-il. et barbu qui plus est, a déclaré à son tour, il n'y a pas de discussion sur le nou la nouvelle musique à venir, sur de nouvelles musiques à venir. Et là, le monde a revêtu son masque de C'est tristesse. vrai, moi je l'ai vu et c'était triste. Ouais. Là, j'ai senti que c'était un peu morose. Je me suis levé le matin, je suis sorti et j'ai. Putain, c'est Qu'est-ce morose. qu'ils ont, les gens? C'est bizarre. Le monde, ouais, triste. Je voyais que, tu sais, même le ciel, Ouais. les arbres, tout ça, tout était rempli de Bah, attends, tristesse. on parle quand même de System of a Down, quoi. Bah, c'est ça. Alors, du coup, bah, moi aussi, j'étais Bah oui. revêtu de tristesse. Est-ce que t'avais un peu ce qu'on appelle le spleen? Ouais! C'est ça. Je trouve que ça, c'est le bon mot. Pour ajouter un peu de contenu au débat, Darren Malakian, guitariste, et l'autre voix du groupe, La la moche. petite, La celle qui est très moche. aiguë et qui Salut. braille beaucoup, a répondu à un entretien sur du nouveau possible matériel et selon lui, ça pourrait être un mélange de différences créatives et de obligations familiales, enfin un mélange des deux. Voilà. C'est ça? Bah oui. C'est ça. Les gens changent au fil du temps, les goûts changent et les gens veulent emmener le groupe dans des directions différentes. Et il y a d'autres membres du groupe qui ne veulent peut-être pas aller dans cette direction. Ou dans ces directions. Oui, voilà, comme c'est écrit. C'est ça? Ouais. Peut-être? Bah écoute, je sais pas, Faudrait moi. qu'on leur demande. Bah non, ils viennent de le dire. Ah oui, c'est ça. Nous avons donc pas trouvé d'accord sur la manière dont nous voudrions le faire si nous réalisions un disque. Sure. Donc en fait, en gros, ils sont pas d'accord, les mecs, Ah, quoi. pas du tout. Hein, sur, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Ah, bah je pense que ça doit être clairement entre Daron et Serge que ça se joue, quoi. Ouais, Les je deux autres, pense ils sont là, aussi. ils ont les instruments, ils sont prêts à jouer. Et d'autres, C'est non, vrai, c'est c'est ça, ils jazz. attendent. Bon, les gars, quand vous aurez fini, hein, qui c'est qui a la plus grosse? Donc, voilà. Je ne dis jamais, jamais. Mais à ce stade, il est peu probable que cela se produise de sitôt. Malakian réitère qu'il a simplement converti des chansons qu'il économisait pour Système, pour son nouvel album solo, ce qui est assez évident, en particulier le plus récent de ses singles. Eh oui. Voilà, Saude, ce n'est pas fini, mais un peu quand même. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est vrai que quand tu écoutes son dernier single, ça pourrait être du System of a Down, quoi. Hein? Vraiment. Et bah. En même temps, ça fait combien de temps le dernier album? Mais. Oula, je ne compte plus. Donc. On espère. En fait, je pense qu'on espère tous un peu. Un album de SOD parce qu'on espère quelque chose qui va nous surprendre ou nous ramener vers quelque chose qu'on connaît déjà et qu'on a l'habitude, mais il faut aussi accepter parfois que bah, c'est fini et que c'est pas grave. Ouais, c'est ça. Donc Oh, c'est peut-être parce que c'est un peu bizarrement fini. ouais, ou bah, il y a peut-être justement un goût de pas fini et que ça n'a jamais été vraiment fini, et que ça s'est plus arrêté sans vraiment s'arrêter, que les gens étaient juste en train d'attendre et que l'attente a été longue, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis peut-être aussi parce que c'est quand même System of a Down, quoi qu'on en dise, reste un groupe qui parle à tout le monde, métalleux et non métalleux. Ouais. Voilà, donc je pense qu'il y a ça. C'est ce qu'on avait surtout vu au Men's Square, que ça parlait vraiment à un panel très très très très large. Donc Ouais. beaucoup de gens que de mon entourage qui n'écoutent pas du métal connaissent System of a Down. Et après, si. Ouais, mais ils apprécient la partie Toxicity, quoi. Dès que tu les Ouais. emmènes un peu, jamais ils vont écouter le premier album, hein, c'est peut-être Ouais, pas la bah peine, oui. tu vois. Qui est pourtant Bah oui, mais une bon, petite pipite. c'est ça. News suivante. Oui, c'est vrai que c'est pas faux. Oh, c'est la tristitude, non? Death Heaven a publié une chanson extraite des sessions d'enregistrement de Ordinary Corrupts Human Love, sortie le 13 juillet dernier, et qui tranchait avec leur black metal habituel et que j'ai beaucoup aimé. C'est un album un peu. Ça faisait un peu un black metal pop. C'était très calme. Contrairement à justement ce que j'avais moi aimé de Death Heaven il y a 2 ans, qui était en fait la première fois qu'un truc de black metal m'avait plu, étonnamment. Je me souviens avoir été les voir tout seul au fest. Non, ça va. Ah oui. Non, ça va. Et donc, du coup, cet album, je l'avais un peu attendu et quand il était sorti, j'avais été assez surpris parce que justement, ça tranchait avec le reste. Ils ont proposé quelque chose de nouveau. Pas forcément que j'ai préféré, mais quelque chose de nouveau et je trouvais ça intéressant. Et du coup, ce nouveau titre est quant à lui beaucoup plus énervé que tout l'album, donc ça fait assez bizarre. Et j'avais déjà vu il y a quelques semaines qu'ils étaient rentrés en studio, donc à savoir si c'était pour cette chanson-là ou qu'ils préparaient déjà un successeur, ça me semble un peu court, mais pourquoi pas. On a vu récemment pas mal de groupes qui retournaient en studio, donc peut-être qu'eux aussi ils se sont rendus compte que c'était un bon album et qu'ils n'avaient peut-être pas raison de le défendre sur scène parce qu'il est beaucoup plus calme, beaucoup moins dans l'esprit, va savoir. En tout cas, cette chanson est très sympa. Je ne saurais te la conseiller vu ton amour pour le black metal, mais quand même un peu. Voilà. Ah bah ça fait plaisir. Pareillement. Merci à toi. Nouvel épisode, nouvelle semaine, C'est vrai. nouvelle news sur la sortie du live de Zeal and Ardor. Ce live in London, toujours prévu pour le 22 mars. Toujours prévu pour... Ouais, c'est Nous ça. propose cette semaine l'écoute du titre Ship on Fire. C'est vrai. Je l'ai écouté, moi. Ouais. Et toi aussi? Je l'ai écouté aussi. Et alors? M'a moins emballé celui-là. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, J'ai non. l'impression de réécouter un autre titre en fait, que je connaissais déjà d'avant. Et du coup, j'ai pas été emballé plus que ça. Bah, en même temps, c'est peut-être un titre que tu connaissais déjà. Peut-être. Parce que je pense qu'ils en ont fini avec les inédits, hein, donc, Ah ouais. je pense. Bon bah après voilà. Mais j'aime toujours autant Zeal and Ardor, mais là je l'ai trouvé Un peu un peu plus. plus plat, je trouve. Ouais. Après, est-ce que c'est utile d'en... Parce que je crois qu'hier, ils en ont ressorti encore un autre. Donc, Oh. est-ce que c'est utile d'en sortir autant? Je ne sais pas. Sortez l'album directement, ce serait plus Bah oui. simple. Et je me suis toujours posé la question, toi, les lives, t'aimes Non. bien ou pas? Ben bizarrement, non. Ah ouais? Ouais. Donc, t'en écoutes jamais Ben non, bizarrement, non. Même, et imagine si c'est des lives, par exemple, Je qui dis ça. proposent quelque chose de différent. Genre, je prends un exemple à la con, mais Metallica qui avait sorti un live avec un orchestre philharmonique. Effectivement, c'est un exemple à la con. Mais non, non, non, pas. C'était tellement gratuit que j'ai bien aimé. Non, c'est en fait, moi, je suis pas fan de live non plus, en général. Ouais. Mais par exemple, il y en a quelques-uns que j'aime bien. Certains d'Iron Maiden, parce que je trouve que ça fait sens. Le live de Tagada Jones au Hellfest fait complètement sens. Peut-être parce que Alors j'y ai... oui. Peut-être que parce qu'on y était, je sais pas, mais je l'ai bien aimé. Oui, il y a peut-être ce côté-là aussi, ouais. Et du coup, ma question suivante était, si jamais t'aimais pas les lives ou que t'appréciais ça, est-ce que tu les préfères en DVD ou en format vidéo ou juste en audio? Vidéo. En vidéo, ça passe. Ouais. Ouais, d'accord. En audio, tu vois pas trop. J'arrive pas, non. J'en ai pas, je crois, de live. Ah ouais, carrément. Ouais. À ce Je vais point. pas, moi, de mon propre chef, Ouais. faire la démarche d'aller acheter un album live. Comme j'ai quasi, je crois, j'ai tous les albums de Pantera, Ouais. sauf le live. Mais tu l'as écouté? Je l'ai écouté, mais je sais pas, ça. Il n'y a pas d'intérêt. Ben, je sais pas. Est-ce que tu pars du principe qu'un live va être l'équivalent du CD, mais avec des gens autour et donc t'entends moins bien? Il y a ça aussi, ouais. Mais après, oui, il y a toujours certainement des trucs différents. Mais ce qui me gêne un peu, justement, et je crois que c'est pas que sur les albums ou les DVD live, c'est qu'il y a énormément d'artistes. Ce que j'aime dans un groupe en live, c'est qu'ils vont faire des choses Différentes. différentes Ouais, que ce que je tu entends suis d'accord. sur CD. C'est ça, Et ouais. c'est ça qu'on vient rechercher aussi quand on vient voir un groupe En en concert. live. C'est qu'on veut voir justement des mecs se taper un petit délire, voilà, et faire un truc totalement inédit qu'on verrait jamais ou qu'on n'entendrait jamais ailleurs et que c'est unique pour le Ouais. public dans lequel on se trouve. C'est ça qui m'intéresse, moi. Ouais, je suis Voilà. d'accord avec Et toi. après, moi, j'ai un petit peu de mal avec le live justement parce que y a beaucoup de groupes qui font pas Bah ce ouais. truc, qui jouent leur Qui album et qui. retranscrivent Voilà. tel que. Voilà. Non, mais je comprends. Et Mais c'est du pour ça que justement coup. tout à l'heure je te demandais si ça pouvait dépendre du live, parce qu'il y a des lives qui ont un intérêt qui est justifié et d'autres peut-être un peu moins, quoi. Ouais. Ça dépend des groupes aussi, je pense. Ouais, Qui sont sûrement. plus à l'aise ou qui. Comme Tagada, tu dis le live au Hellfest, bon bah Nico, c'est un mec qui parle, quoi. Donc Ouais. t'as tous ces petits passages entre deux où il parle, où voilà, ça met un peu l'ambiance aussi quand il essaye de chauffer un petit peu la foule et tout Ouais, ça. je suis d'accord, je suis Donc il y a d'accord. ce côté-là. J'ai bien aimé aussi le live que je te disais que j'avais de Link de Gojira Ouais. à Bordeaux, je le trouve génial. Il y a un live aussi à Londres de Queen of the Stone Age que j'ai aussi, qui est vraiment très bien. Mais après, je les ai en DVD. Ouais, je suis assez fan aussi en vidéo, mais il y a même certains lives en audio que j'ai bien aimé quand en allant dans le même sens que toi, quand justement ils apportaient quelque chose d'autre, que c'était pas une retranscription de CD, du concert, vraiment, t'as les morceaux qui s'arrêtent pile poil au même moment, qui sont pas du tout, qui ont rien testé, quoi, et qui s'amusent pas avec leurs propres morceaux, quoi. Les Ouais. mecs, ils viennent, ils font leur set, et puis ils repartent. Mais ça m'arrive, j'écoute quand même assez régulièrement des lives pour justement voir s'il y a une différence ou un truc en plus. J'aimais bien d'ailleurs, à l'époque, on va dire il y a une vingtaine d'années, quand tu pouvais justement acheter un single et que tu avais des versions live dessus, Ouais. t'avais ton single, une version démo ou un live et tout, enfin. Ouais. J'aimais beaucoup ça. Ça m'est arrivé d'acheter beaucoup de singles comme ça, d'albums, parce qu'il y avait soit des fois un titre inédit, soit une démo, soit même un ou deux lives, et C'était j'aimais bien ça. pas Rocksound qui faisait ça à une époque aussi. À la fin Peut-être. de chaque compile, t'avais un groupe en live. Peut-être, Je ne sais peut-être. plus. Faudrait que je vérifie. Il me reste encore, je crois, des samplers, des samples Est-ce que de malgré tout, Rocksound. tu iras écouter ce live de Zilean Ardor? Bah si je peux le voir, tant Bah, mieux. je pense pas qu'ils vont le sortir en vidéo. Moi, je pense que c'est. Pour moi, je pense que c'est juste un disque. Bah, après, pourquoi pas? Peut-être pour un petit peu conjurer En fait, ce je truc. pense que justement, parce que j'aurais aussi aimé qu'ils le sortent en vidéo, mais je pense qu'on aurait déjà vu un extrait. Tu vois? On aurait déjà vu un truc. Ouais, c'est possible. Regarde Tagada, ils ont sorti que la version audio et pourtant il y avait une vidéo vu qu'on le premier extrait était en vidéo sur leur page. Ouais. Donc voilà. Merci pour ces réponses. Bah, merci pour C'était ces questions. intéressant. Et vous, qu'en pensez-vous? Exactement. Si vous aussi vous préférez les lives, n'hésitez pas à nous le dire. C'est vrai qu'on oublie souvent de vous prendre à partie, mais en même temps, quand on le fait, on n'a pas beaucoup de retours. Donc n'hésitez Voire pas. pas. N'hésitez pas à communiquer avec nous. On ne mord pas. Je ne vais pas dire que je suis agréable, mais on ne mord pas. Ouais, c'est vrai qu'il n'est pas agréable. Mais je ne mords pas. Non, non, non, il Voilà, mord donc pas. tu vois, j'ai bon pour l'instant. Ouais. News suivante. Hey! Hey Bob, c'est marrant que tu me parles du 22 mars, parce que moi, je vais te parler du 8 mars, Ah, mais c'est dans le même mois. à savoir vendredi prochain, Isaac. qui verra la sortie du nouveau Children of Bodom, XD. Ah, ouais. Et pour fêter ça, le groupe a publié un nouvel extrait, Platitude and Barren Words, le 1er mars, soit une semaine avant, afin de nous faire patienter encore un peu. Le premier extrait déjà dispo dans le sampler du Rockhard de ce mois-ci, que je suppose tu as donc pu écouter, mais tu n'as pas fait attention. Ça te parle pas. Oui. Alors tu Non, vois, ça me parle pas, mais il y avait le In Flame, après il y avait une chanson, et après il y avait Children of Bodom. Oui, d'accord. Isaac. Tu vois? Ah ouais. Bah moi j'ai plutôt aimé cet extrait qui était sur le sampler et j'ai aussi aimé celui-ci, ce deuxième extrait. Donc bah c'est peut-être pas que le deuxième extrait, j'ai pas vérifié, mais en tout cas ce nouvel extrait, Platitude and Barren Words, qui est en plus dans un clip avec une espèce de mec qui Ah, rappelle. ouais. Tu l'as vu? Oui, avec les deux nénettes, c'est ça? Non? Alors peut-être. Enfin que ça rappelle un peu le docteur de Devil Reject. Ah, Docteur Satan? Voilà, ça le D'accord. rappelle un peu lui, je trouve. Vite fait, enfin, c'est un clown, quoi. C'est une espèce de mec un peu clown. Ouais. Ça m'a fait penser à lui parce que j'ai pas beaucoup d'imagination. Dès que je vois un mec un peu. Voilà. Ah, tiens, Docteur Satan. Non, c'est plutôt bien. Et je pense que j'irai écouter vendredi cet album. Je sais pas si tu le feras également, mais. Non, je pense pas. Ah, tu n'es pas un grand fan de Children of Ben Bodom. non. Moi déjà, direct, ils entament avec les claviers. Là, moi, ça me rebute. Ouais, mais là, ça va. Hein, ça. Ah bah sur ce Tu veux, par morceau-là, exemple, celui que t'as mis là. je préfère complètement des claviers que d'entendre ton chien qui aboie. Ah bah ça, je suis d'accord. Par exemple, Moi pareil. si je veux faire un choix. Moi j'aime bien les claviers parce que je peux mettre sur mute. Voilà. Qu'un chien qui aboie, je peux pas mettre sur mute. Oh, si tu me laisses 2 minutes, je pense que je peux y Ouais, arriver. ouais. Ouais, non, bref, donc moi j'irai écouter et puis je vous en parlerai sûrement la semaine prochaine. 5. 5 à la Bah après, suite. je sais pas, ça On dépend. risque de se péter quelque chose, mec. Ça va dépendre de tes possibilités disponibles. Ah, mais ouais. Alors là, je suis tout à fait d'accord avec toi-même. Donc, on en reparle comme on dit. Ouais. Eh, on est large. Et au pire, on se voit samedi. Wow, Ouais. wow, wow, wow. Calme-toi, Calme. hein. Tu Calme-toi. calmes tes ardeurs tout de suite, mon petit T'enflamme pas bonhomme, parce hein. que. Hein, là, c'est vraiment un truc à ce qu'on se blesse. Vas-y. Ah, regarde, c'est rigolo! Bob. Je t'ai pas marqué. Tiré. Chant de la carpe. Nouvelle news. Eh ben écoute, je te propose. News. Eh. Non, eh, écoute, regarde. Prends tel que ça vient. Voilà. Et sois un homme, mon fils. Prends la dernière, c'est pas grave. Enfin, enchaîne, quoi. Dernière news ? Non, pas dernière news. Voilà. Celle qui vient après ? Voilà. Du joueur Sidi Larsen ? Oui. Tu t'en souviens ? De quoi ? Mais si, Wellfest, il y a une poignée de mois, en 2017. Bref, le groupe va sortir son nouvel album le 26 avril. Et il s'intitulera « On va tous crever ». Un titre assez lucide. C'est vrai. C'est pour ça que j'ai trouvé intéressante cette news, en fait. D'accord. Parce que je trouvais le titre vraiment tellement lucide. Un artwork et un teaser sont dispo. Et on entend à peu près 10 secondes. De musique. C'est ça. Pas plus, mais ça semble assez prometteur. Ah, 10 bonnes secondes. Hein. Ah ouais. Ah ouais. Ouais. Après, je trouve toujours ça bizarre de faire un teaser pour un album. Bah, j'ai regardé, j'ai trouvé ça assez étrange aussi. Ouais. Ah, mais t'as vu, on entend. Ouais. C'est pas mal ce qu'on, enfin, ce qu'on entend, ça a l'air sympa. Mais... Ouais. C'est vrai. À écouter. Il n'y a pas de clavier. Déjà. Il n'y a pas de chien. Ah, je suis. Moi, le classicinisti, moi, je suis pas. Est-ce que... pas mon truc, le baroque. Est-ce que tu iras quand même écouter cet album ? De Sidi Larsen ? Ouais. Bah, je sais pas. Est-ce que tu t'en souviens pas du tout ? Pas du tout. Le guitariste, il avait un chapeau de cow-boy. Et le chanteur, il avait des cheveux frisés. Ah, je me rappelle du chanteur qui avait les cheveux frisés. Ah. Et qui sourit comme ça. Ouais, qui était content d'être là. Ouais. Mais. C'est tout. Voilà. D'accord. Très bien. T'as des casseroles là-dessus, non? Non. Pourquoi pas... j'aurais des casseroles? Non, je sais pas, c'est ton petit air de temps. C'est rigolo de voir que t'as une mémoire très sélective et que. Non, mais... Ouais, non, totalement. Mais qui c'est qu'on avait parlé alors, là? De ce groupe? Parce qu'on l'a, en fait, on a fait une chronique sur ce groupe. Bah, l'année dernière? Non, il y a 2 ans. Il y a 2 ans? Bah, oui, quand même, pour la première. Jo? Je sais pas. Faudrait qu'on ait un système d'archives. C'est un truc qui punaise, permet de retrouver les archives choses. Archives numériques ou sur des classeurs? Les deux. Dans des cartons. Pour être sûr. Hein, qui prennent la poussière. Ouais, ça serait étagères. Stylé. Alors, c'est qu'est-ce que tu me dis 2017. Épisode. Alors, épisode. Ah bah, je l'ai. Épisode. 13 minutes 44. T'as rangé quoi, ça? S, Sidi Larsen. Ah bah, c'est bon, j'ai. Ouais, c'est ça. Ah bah, critiques sont pas bonnes. T'as rangé à Sidi ou à Larsen? Oh putain, c'est un seul mot, merde. Bon. D'accord. C'est pas con. On va y réfléchir. Eh bien, c'est tout pour la partie news. On va donc passer maintenant très rapidement à la partie news Hellfest avec donc juste une news et une demi-news, ou plutôt une suite de news. Ouais. Hein. Donc je me permets de la faire pendant que toi, tu me rouvres une petite bière. Ah bah écoute, c'est avec plaisir. Alors pas celle-là que je vais te faire tomber. On va peut-être éviter. Hein. Donc, on en parlait la semaine dernière, mais ça y est, c'est arrivé. Merci bien. L'ouverture du tremplin The Voice of Hell 2019 powered by Reef.fr, ou comme j'aime à l'appeler, le tremplin du Hellfest, ouais. Qui, je le rappelle, de P2L, et donc c'est ouvert vendredi, 1er mars, donc, et qui permet toujours aux gagnants de jouer en Main Stage 2 le vendredi 21 juin. Donc, j'ai pas été voir s'il y avait beaucoup de groupes inscrits et tout ça, mais j'ai pu voir qu'il y avait déjà quelques-uns qui demandaient qu'on aille voter pour eux. Du coup, j'ai pensé qu'on aurait pu inscrire un autre groupe. Je sais pas, moi, Road to Metal ou R, juste RTH, on va pas plus loin. On laisse le doute, comme c'est ça, c'est ce que ça veut dire. Ah ouais. Et puis, on laisse, quoi. Ouais, pourquoi pas, ouais. Pour la blague, pour la déconne. Qu'on serait bien emmerdé de devoir jouer. Bah, totalement. Ouais. En même temps, hein. Bon, ça n'arrivera jamais. Mais donc ça voilà. Marrant, en même temps. Hein? Une table, deux micros sur la main stage, ça oui. Donnerait strictement rien. Mais ça serait stylé. Salut donc, tout le monde, on est en direct sur la main stage 2. voilà, Road to Hellfest spécial. Donc on a trop rien prévu, donc on va recevoir. On a un set de 30 minutes, donc on va recevoir. Bon, juste on va faire des news, hein, parce que voilà. Ça va passer très vite. Non, mais donc. Plus sérieusement, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Je pense que j'irai pour essayer d'écouter 2-3 trucs et voir s'il y a des choses que j'ai trouvées sympas. ou même des choses que je connais, peut-être des groupes qu'on connaît du coin ou pas, hein. Peut-être. Savoir. Et voilà, bah, c'est principalement la suite de la news de la semaine dernière. Donc, je te laisse l'autre news qui n'est pas vraiment une news Hellfest, mais Hellfest et alentour. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Qui n'est pas très loin, hein, à quoi, un kilomètre, hein. À peine, à pied, ça se fait bien. Ouais, à pied, ça se fait bien. Ça se fait bien. Si ouais, tu passes par le camping, t'as même un chemin, donc tu peux y aller par le pont. C'est pas faux. Donc, tout à fait, ouais. On a vu des gens y aller. Et oui. Et on a vu, et on connaît même des gens qui se gardent devant, pas loin, dans ouais, un camion. D'ailleurs, ils y vont cette année. Tu parles de... Bah, je parle, oui, de... Des vieux gens. Oui. Oui, ouais, ouais. Ils y vont. Oui, oui, oui. Ensemble. Bon, c'est sûr. Oui. On en reparlera, mais oui, bien ultérieurement. Sûr. Eh bien, cette fameuse news est le Helltruck. Qu'est-ce que donc que c'est que le Helltruck? Eh bien, le Helltruck, c'est une SMI, hein, qui est placée. Deux SMI, non? Non, il y en a qu'une? Il y en a peut-être deux, oui, le temps qu'il fasse. Ouais, en tout cas, balance. Oui, c'est ça, c'est pas en L, elle est en L, je crois. Il y a un truc comme ça, ouais. Ouais. Ou au moins, il y en a une qui est partagée en deux. Enfin, bref, il y a deux scènes. Voilà. Dans des camions. Dans des camions. Donc, voilà, garé sur le parking du Hellfest. Sur le parking du Leclerc-Clisson. Exactement. Voilà. C'est un peu un avant Hellfest, avant le Hellfest, hein, ouais, parce que ça se passe le jeudi 20 juin, de midi à 19h, voilà, sur le fameux parking de Leclerc. Donc voilà, et cette année, s'y produiront Sycomore, Anna Sage, Purge of Sanity, Irian, Missing Mile et Musselman. Je pense qu'on peut quand même... applaudir Missing Mile, ça bravo, fait plaisir de voir les frères. C'est ça. Ils savent pas qu'on est des frères, mais c'est pas la question. Nous, on est fiers d'eux. Mmh. On aime beaucoup ce que vous faites, les gars. Continuez. Bravo, les gars. Ouais, non, bah c'est plutôt cool. Bah ouais. En général, on essaye d'aller jeter une petite oreille vite fait. Bah, c'est toujours l'occasion. Hein. Mmh. C'est donc vrai que c'est le petit passage. Hein. Après, je pensais à ça. On va peut-être avoir un problème d'organisation cette année, non? Concernant. Ah, concernant, bah justement, aller au Hellfest. Oui, déjà, ne sachant pas si on y va. Déjà, c'est déjà premier point. Parce qu'on est obligé de faire les points dans l'ordre. C'est pas important. Ouais, c'est pas important. C'est pas le plus important, c'est pas ça. Non, voilà. Ouais, ce que je veux dire, c'est que normalement, il faut qu'on parte plus tôt cette année. Tout à fait. Alors, j'y ai pensé justement il y a 3 jours. Ah, et donc ? J'étais en train de me raser là. J'étais en train de me brosser les... Bah, je sais plus. Mais j'y ai pensé. Et du coup, je me suis dit, mais ouais, il va falloir qu'on parte beaucoup plus tôt. Mais oui. Alors, déjà qu'on part assez tôt quand même... Oui, mais ça, de rien. Bah, c'est cher là. Comment... Donc on est face un peu à la mer. Ouais. Eh bien, on en reparle. Oui. Hein, on se rebigot. Eh. On... Ouais, on se tire au jus. Ouais, exactement. Très très bien. En tout cas. Je pense pas que ça intéresse beaucoup les gens. Bah, en même temps. Enfin, en même temps, le podcast en lui-même n'intéresse pas beaucoup les gens. Mais donc, quelque part, eh, si on est entre nous, on peut discuter. On est raccord. Mais... Ça va toi sinon? Ça va. Ouais. Ouais. J'ai acheté Dragon Ball sur Switch. Bon, bref. Voilà, donc c'était tout pour les News Hellfest, sauf si on a raté 2-3 trucs. Je suis pas sûr, mais... Donc, voilà. On vous tiendra au jus s'il y a beaucoup plus. Mais ouais. On arrive souvent à une période comme ça où il n'y a plus trop de news, donc... Ouais, ça va revenir. Hein. Partiellement. Je pense que ça va se lâcher pendant un moment. Il va y avoir un groupe ou deux qui va annuler, on va avoir des news. Ça. Et puis entre deux, bah, de toute manière, nous on est là surtout, hein, principalement pour les chroniques et quelques news metal qui nous font bien plaisir. Parce qu'en fait, j'aurais pu en mettre beaucoup plus des news, mais j'ai essayé de trouver juste des trucs qui étaient cohérents avec nous. Comme le nouvel album de Rescue Ranger qui sort au mois d'avril aussi. Alors j'aurais pas du tout parlé de ça. Voilà. Je connais pas donc. Non, bah, c'était comme ça. De que... Ils sont venus au Hellfest ? Non. Voilà, donc ça n'a pas de cohérence avec, tu vois, il y a une espèce de lien, en fait, dans les trucs. Oui, mais fais-moi plein de doigts d'honneur, si tu veux, tac, demain, ça n'en fait que deux. Voilà. Oh, putain. Ok, très bien, il a une troisième main. Waouh. On va passer à la partie, maintenant. News not fair. Ouh, ça décoiffe. C'est quoi, c'est américain, européen? Pardon? C'était américain ou européen? C'était... American. Yeah. Donc... Attention, on le dit chaque semaine, mais c'est pas grave, c'est notre petit plaisir d'une ça va faire un mois, théorique. uniquement 80% des places vendues pour la première date du Knotfest en France en partenariat avec le Hellfest. Toujours 10 groupes pour ce mini-festival, 5 groupes américains et 5 groupes européens. Et je crois d'ailleurs que nous arrivons à la moitié. Peut-être pas, non. Amarante, Behemoth, on a fait Behemoth ? Behemoth, ouais, on l'a fait. Donc Ministry, Amon Amarth. Et cette semaine, tu as porté ton choix sur Papa Roche. Ben, écoute, c'est un choix qui se respecte. T'as préparé une petite bafouille ? Ah, j'ai rien préparé du tout. J'ai écouté déjà, c'est déjà pas mal. tu as de la chance, j'ai eu 5 minutes. Pourquoi ce serait toujours à moi de lire ? Parce que c'est moi qui choisis, c'est moi qui lis, c'est ça. C'est toi le Knotfest. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de la fabuleuse histoire de Papa Roche. Il était une fois Papa Roche, qui était un groupe de métal alternatif New Metal, un peu moins métal, métal avec du hip-hop dedans, américain, originaire de Vacaville en Californie. Parce que le temps, il y est plus beau. Putain, mais fais un effort, s'il te plaît. Mais putain, tu mets des virgules partout. Je fais... Bah justement, c'est pour que tu fasses des pauses. Eh ben, c'est... Je fais ça faire. Sur le temps du travail, bordel. Je risque, ah bah, tu je t'as risque vraiment rien d'autre à foutre au boulot. Bien sûr que si, mais j'ai pris 5 minutes pour le faire. Je risque ma vie. Place, bordel. Formé en janvier 93. C'est pas tout jeune. 1900. De fête. C'est précis. Il était 14h34. Durant un match de football américain. Bah oui, c'est cohérent. Ouais. Ouais, je pense qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient pendant ce temps-là. Pas qu'un match de football américain. Ok. Moi, je dis ça après. Okay. Parce que cette histoire se passe aux États-Unis. Et oui. Et qu'aux États-Unis. On fait du football américain. Exactement. De la rencontre du chanteur Jacoby Shaddix et du batteur Dave Buckner. Tout à fait. Ils discutent musique, échangent leurs 06. Surtout aux États-Unis. Surtout en 93. Surtout en 93. C'était plutôt le tatou, je crois, à cette époque-là. Ouais. T'as un tatou ? T'as un tatou, ouais. Ouais. Tu me bipes et je te rappelle d'une cabine. J'avais un tatou. T'as une carte ? Ouais, mais j'ai plus de... J'avais un tatou. Non, moi j'avais des cartes téléphoniques. À l'époque, j'avais des potes, j'avais un tam-tam. Punaise, moi j'avais des potes. Pour envoyer un message. Non. Ça apparaissait sur l'écran du tam-tam. Mais putain, c'est stylé. Mais ouais. Non, c'était fou. Excellent. Excellent. Donc, voilà, tu m'as tout perturbé. Mais donc, mets ton doigt. Donc, on en était à... Mets ton doigt quand tu dis. Ouh, ben non, mais c'est dégueulasse. Ils échangent leur 06, ça je l'ai déjà dit. Puis, ils sont vite rejoints par le tromboniste Ben Lucer. Tu vois, ça te fait rire. Qui ne restera pas dans le groupe et finira policier. Parce que voilà, c'est comme ça. Aux États-Unis, quand ils savent pas quoi faire, ils finissent policiers. Plus tard, c'est Jerry Horton à la guitare qui rejoindra le groupe, puis Tobin Espérance à la basse. C'est le 4 février 97, c'est très précis, il était aussi 14h37, que sort le premier album du groupe. Puis en 99, Papa Roach signe avec DreamWorks Records, enregistre en 2000 l'album Infest, et c'est le carton avec 3 millions d'albums vendus. Bim, allez hop. Et voilà, comme ça au moins, eh ben, tu sais que, tiens. Sans suite, plusieurs albums, 10 au total, le dernier étant sorti il y a quelques semaines. C'est vrai. Voilà. Deux Grammys en 2001 pour Best New Artist et Best Music Video. Un MTV Video Music Award également en 2000 pour Best New Artist. Selon Universal, en 2000, le groupe aurait vendu plus de 10 millions d'albums, ce qui est pas rien. Je te laisse aujourd'hui imaginer à combien ils en sont, vu que c'était il y a 8 ans. Ouais, 20 ans. 20 ans. Ouais. Ça me fait un peu plus, je pense. Ouais, ça doit faire, je dirais, peut-être 3 ou 4 de plus, quoi. Oui, grand max. Voilà, à noter aussi que le batteur fondateur n'est plus dans le groupe, il est remplacé. Et que de ce que j'ai pu voir un peu à droite à gauche, j'aime pas trop parler de ça, mais... Je trouve pas forcément que ce soit intéressant, mais il est avec la même copine depuis le lycée et souvent les paroles qu'il écrit sont liées à cette histoire et relation parce qu'ils sont séparés à un moment donné, ils sont remis ensemble. Et il y a une autre partie de lui où il aurait apparemment quelques problèmes avec la boisson, donc ce serait des textes dont il parle souvent dans ses chansons. Le banga. Pardon ? Le banga. Le banga, tout à fait. Ouais. Et par contre... J'ai résumé un peu rapidement la vie du groupe parce qu'en fait, il se passe pas grand-chose en fait. Tout est assez linéaire. Tu vois, dans le groupe, tout se passe bien. Enfin, voilà, ils font des albums, ils font des tournées, ça marche plutôt bien, et ainsi de suite. D'accord. Voilà. Donc, tu m'as dit que tu as écouté. Ouais. Et alors ? Bah ouais. Qu'as-tu écouté ? Bah en fait, j'ai voulu reprendre du début jusqu'à la fin. Alors, à noter que tu n'as pas eu le courage d'aller jusqu'au bout. Tu n'as pas dû écouter le premier album. Tu as donc commencé par Infest, parce que moi, le premier album, je savais même pas. Pour moi, c'était Infest, le premier album. Et d'accord. Le premier album, je l'ai trouvé que sur YouTube. Ok. Et il est dégueulasse. Ah ouais. Ah, c'est, et ça n'a rien à voir en plus. Enfin, c'est vraiment Infest, c'est une version hyper aboutie, quoi. D'accord. Ouais. Donc Infest, c'est celui avec le cafard dessus. Tout à fait. Ouais. Donc oui, j'ai commencé par celui-là et forcément je connaissais. Si on a été ado dans les années 90, on connaît forcément. Bah, 2000 hein, pour le coup. Oui, enfin 2000, oui, pardon. 2000, donc un peu plus qu'ado. Mais si on écoutait du métal, on ne peut pas être passé à côté de Papa Roach en tout cas. Non, voilà, c'est ça pour dire. Donc ouais, j'ai écouté. Je ne suis pas un fan hein, de Papa Roach de base, ce style. New metal, voilà. Avec, mainstream, un peu. Ouais, voilà, c'est ça. C'est totalement, hein, franchement, ouais. Totalement ça. Donc, du coup, j'ai écouté le deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Après, je suis passé au dernier, en fait. Ouais. Celui avec l'océan. Who do you trust? Voilà. Qui a l'air tout à fait dans la même veine. Hein, Bah en fait quand t'écoutes, si effectivement t'as tout enchaîné, tu dois trouver, mais en fait si tu passes de Infest au dernier, tu ah oui non tu vois, forcément à chaque fois ils changent un petit peu quand même, je trouve qu'ils ont tenté des choses. Je veux dire, il y a l'évolution. Bah je sais pas, c'est enfin oui on va dire évolution, mais ils sont pas restés à essayer justement de continuer à faire du nu metal tout à fait comme au début, parce que moi quand j'ai réécouté un peu Infest là, parce que Infest je l'avais acheté, je l'ai à la maison, donc j'aimais bien à l'époque, et je trouve qu'il a super vieilli quoi. Ouais. Autant il y a d'autres albums de Papa Roach que j'ai réécouté là et je me suis dit ouais ça le fait, il y a encore un truc d'énergie que j'aime bien, autant Infest je le trouve un peu mou du slip quoi. Mm-hmm. Donc voilà, donc excuse-moi je t'ai coupé dans ce que tu non dis. Non mais il y a pas de souci, donc je te laisse reprendre. Donc t'as écouté quasiment tout quoi. Ouais non, j'ai dû m'arrêter à To Be Loved, mais c'est le Greatest East. Ouais, The Best Of, Papa Roach. Ah oui, donc t'as pas écouté Cooking Tears que... Non, j'ai fait Metamorphis, ouais. The Paramour Session, ouais. Getting Away, With Murder, Potatoes for Christmas, que j'ai trouvé génial. Ah bah. Bah c'est plus un EP celui-là de mémoire. Ouais, il y a 7 titres, je crois. Ouais. Mais alors franchement... Je suis passé du premier, en fait. Hein. Enfin, ouais. Du premier, du deuxième. Infest, après Love, Hate, Tragedy. Et après, je suis passé à Potatoes for Christmas. Quoi. Et là, tu t'es dit, tiens, mais c'est bizarre. Putain, mais j'ai dit, merde. C'est que je suis tombé. Quoi. Et je zappais, en fait. Ouais. C'est sur les deux premiers. Bon, okay d'accord, ça passe. Tac, okay, tac, tac. Que là, j'ai écouté du bout en bout. Ouais. J'ai dû même le réécouter. Une fois, parce que je trouve ça... énorme, surtout dans c'est un ovni total quoi, dans leur discographie quoi. C'est sûr, bah après c'est un EP donc ils peuvent se permettre plus. Ah ouais, mais là c'est oui, c'est le jour et la nuit quoi, totalement quoi. Mais ouais non, bah après moi il y a que celui-là vraiment qui m'a scotché quoi. Mais bon, c'est plus mon style donc forcément. Moi j'aime beaucoup Getting Away with Murder parce que c'est quand je l'ai réécouté là, en fait, enfin je me rends compte que j'aime beaucoup parce que quand je l'ai réécouté. Je me souvenais de toutes les chansons et j'étais dans la voiture en train de bouger la tête et de chanter en même temps. Je me disais, ah, donc j'aime beaucoup. C'est que ça a dû te marquer, ouais. Ouais, non, vraiment. Donc, non, moi je pense que ça mérite une deuxième écoute. Parce que c'est vrai que quand j'ai fait écouter à parcimonie, j'ai dit, tiens, écoute. Donc justement, je suis passé de Potatoes for Christmas à Getting Away. Ouais. Et en fait, en réécoutant les premiers morceaux, pour moi, quand j'ai écouté la première fois, j'ai trouvé ça... bah, banal quoi, ouais, ouais, voilà. Non, c'est mainstream. En réécoutant la deuxième fois, je dis, ouais, bah du coup ça passe un peu mieux, donc ouais, peut-être qu'il y a forcément une deuxième écoute à apporter pour ne pas cracher dans la soupe non plus quoi, et puis bah essayer de voir ce que ça peut donner. Mais voilà, non, j'ai pas grand chose à dire hein, sinon j'irai voir hein, avec Crooked Teeth et Fear. Bah, il est déjà un peu, enfin il est normalement, c'était l'album de leur retour un peu plus en colère que Cooking Teeth. D'accord. Autant Who Do You Trust, je trouve pas. Il m'a pas déplu à écouter, mais je l'ai pas retrouvé formidable. Voilà. En fait, moi, j'ai. Je crois que j'ai dû écouter en fait à chaque fois les albums quand ils sortaient. On est loin de ce qu'ils avaient fait. Moi, je suis vraiment reste. Enfin, j'ai vraiment, je pense, donc kiffé Getting Away with Murder. Et j'ai même regardé des lives à l'époque parce que je trouve qu'il y avait une bonne énergie sur scène. Et en fait, je me suis rendu compte aussi à quel point le groupe était mal aimé en France. Enfin, en tout cas, il était vite jugé comme. Ou mal jugé. Enfin, je sais pas, c'est compliqué. C'est un groupe mainstream, c'est un groupe. Donc forcément qui on va dire qui déplaît à beaucoup de gens à cause de ça. Et en fait, je trouve ça un peu quand tu te vois que les mecs sont là depuis 93 et qu'ils sont toujours là et qu'ils continuent de sortir des albums et que bah en fait à un moment donné Ouais, on n'a pas la même relation avec la musique qu'aux États-Unis. que ouais, aux Je suis États-Unis. d'accord, je suis d'accord. Non, mais je trouve qu'ils ont pas ils ont rien fait de comme, en fait, je trouve que c'est on peut dire ouais, bah j'aime pas Papa Roach, mais je trouve j'ai toujours entendu des gens cracher sur Papa Roach moi. Et c'est ça, plus ça que je trouve un peu sans faire le mec, genre hey, tu craches pas sur mon groupe, c'est pas du tout ce que je veux dire. Il y a des trucs que j'aime pas dans ce qu'ils ont fait, mais en fait, je trouve qu'ils ont rien fait de. Enfin, ils ont pas Qui soit forcément. justifiable à ce niveau-là, quoi. Ouais, je trouve. Ouais, voilà. Tu sais, y a eu. On a aussi craché sur Limp Bizkit et je peux comprendre. On a craché sur Linkin Park et je trouve je peux aussi comprendre. Je trouve que Papa Roach, ils ont fait leur truc sans moins jouer. Tu vois? Ouais, mais Un voilà, peu. c'est ça. Enfin, je pense que déjà, c'est une question de culture aussi, je pense. Peut-être. Enfin, je suis tombé l'autre jour sur. Toujours eu des a priori sur certains groupes, genre. Comment c'était Green Day. Ah oui? Green Day, au début, j'aimais bien. Franchement, l'album Dookie, pour moi, c'était vraiment Ouais. l'album, quoi. Et après, j'ai lâché, quoi. Et en crachant un peu comme ça sur le truc tout le long de mon adolescence, et en me disant, ah non, Green Day, c'est pas du punk, machin, un truc, Ouais. enfin, tu vois. Mais eux, là-bas, si, enfin, je veux dire, il y a ce côté. Ils sont potes, tous ensemble. Je les ai vus avec Rancid, avec des mecs comme ça, NoFX, pareil, enfin, tu vois. Alors que c'est du punk différent. Mais ça reste du punk, Mais quoi. ça reste, voilà, et ces mecs-là, ils s'en foutent, je pense qu'il n'y a pas ce côté. Bah, ce côté peut-être catégorisation Ouais, de voilà, ouais. musique, quoi, ouais. Et du coup, bah, eux, ils s'en branlent un peu, quoi. Bah, si Donc, tu veux, pour aller dans le sens de ce que tu disais, ce qui est marrant, c'est que moi, j'ai lu des trucs donc sur Papa Roach, où justement, ils expliquaient qu'ils avaient été enregistrés un des albums dans une maison. Et en fait, c'était Slipknot qui avait fait ça pour leur troisième album, qui leur a conseillé de faire ça. Mais j'imagine pas du tout Slipknot et Papa Roach dans la même pièce, alors que... Oui, bah oui. Tu vois, quand j'ai lu récemment que... le Mike Thompson, le guitariste de Slipknot, il a pas du tout aimé le Black Album, que pour lui ça a été, il était méga fan de Metallica et qu'à ce moment-là ça a été une trahison le Black Album. Que je vois le mec, il est en train, genre il est copain avec Papa Roach. Wow, what the fuck, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Ouais, bah Mais en fait c'est un autre délire quoi. oui. Donc Ouais, c'est ça. non mais c'est en tout cas bon pour en venir à la partie Knotfest, est-ce que tu seras devant le concert? Ah bah, je pense, ouais. Donc, en fait, en gros, t'as pas surkiffé, t'as aimé certains trucs sans plus, Ouais. mais t'as pas détesté. Ah bah, s'ils me font du Potatoes for Christmas, Ils t'ont pas tant ouais. fait. Il y a peu de chance. Bah, bien sûr, je m'en doute. Mais ouais, non, pourquoi pas. Et ça t'as quand même envie d'aller écouter la fin de leur disco. Bah, au moins survoler un peu ce qu'ils ont fait Ouais, derrière, ouais. d'accord. Pourquoi pas, hein. D'accord. Moi, vraiment, bah, pour avoir plus ou moins tout écouté, je trouve ça. Je trouve qu'ils ont quand même tenté des trucs. Toi, je suis pas fan de ce qu'ils ont tenté. Mais je trouve qu'ils ont tenté des trucs. Bah après, c'est bien. Voilà, c'est ça. Mais c'est ce qu'on a toujours dit ici. C'est cool de tenter des choses. Après, Ouais. moi, il y a plein de trucs. Il y a des moments où ils ont tenté à moitié des trucs un peu en rap. C'est pas mon délire. Ou... Mais il y a peut-être même certains trucs, des petites touches électro qu'ils ont essayé de rajouter sur le dernier album. C'est pas ma came. Mais je me dis, bah, les mecs, ils tentent des trucs, quoi. Tu l'as écouté en entier, ou Do You Trust? Oui, Ouais. de mémoire, oui. Mais j'en ai pas gardé un souvenir sur le long terme. Donc. Ouais. Je le réécouterai bien pour avoir un avis complémentaire. Très bien. Est-ce que tant qu'on y est, pour que ça que ce soit fait, parce qu'on avait oublié de le dire dans l'épisode précédent, est-ce que tu peux nous proposer le prochain groupe? Qu'est-ce qu'on avait donc? Je sais pas, est-ce qu'on fait genre. Alors attends, il reste de mémoire, hein. Slipknot, Sabaton, Ouais. ton copain Rob Zombie. Rob Zombie, Sick of It All. Sick of It All. Dernier, c'est quoi? Oh putain, la Et mémoire. il en reste un? Ah bah, j'ai dit, normalement, il y a 10 groupes, donc potentiellement, je pense qu'on est sur... Powerwolf. Exact. Donc, tu veux... Alors, attends. On part sur Sick of It All, c'est-à-dire qu'à un moment donné, peut-être, il y aura Powerwolf et Sabaton à la suite. Est-ce que tu es prêt à ça? Psychologiquement, je m'y étais préparé un peu. Ah bon? Je pense être un peu né pour ça, pour endurer cette souffrance. Donc je pars sur Sea Coffee Tall. On part sur Sea Coffee Tall. Voilà. Ouais, j'ai envie d'un peu de J'ai punk profité hardcore. de cet entre-deux avant les chroniques pour dire que j'ai écouté le nouveau In Flames qui est sorti vendredi. Et donc, Je l'ai écouté deux fois. Et ben, je dois dire que je n'en attendais rien. Et pourtant, j'ai pas, ça m'a pas déplu ce que j'ai écouté en fait. ah, Alors, ah, ah là, ah bah tiens, effectivement, je me casse. dans le début de l'album est hyper bien maîtrisé et pas du tout dérangeant. Il y a un petit ventre mou dans le milieu de l'album qui a du mal à redécoller sur la fin. Mais pour l'avoir écouté deux fois, franchement, le début passe super bien. Et étonnamment, dans l'ensemble, même les chansons que j'ai pas aimées indépendamment, bah, sont moins choquantes. Par contre, il y a un moment au milieu où pooh, ça rame, ça rame, ça rame, ça rame. Et à la fin, ça repart un petit peu, mais... Sur la dernière minute. Ouais, c'est genre les 10 dernières secondes. Là où il n'y a plus de musique et que tu entends un fade out, c'est pas... Non, mais en fait, ce qui est étonnant, c'est que vraiment, déjà, il est mieux que Battle. Parce que, en fait, le problème de l'avant-dernier Battle, c'était vraiment tous les trucs électro qu'ils ont rajoutés en plus, les voix d'enfants chelous et tout ça. Ça, c'était horrible. Là, il n'y a pas ça, ou très, très, très peu. Donc, ça passe beaucoup mieux. Mais il y a vraiment... le début passe très, très bien. Par contre, qui est très bizarre, c'est que, bah, comme j'écoutais sur Spotify, à la fin de l'album, il est parti sur d'anciennes chansons de In Flames. Et direct, je me suis remis à dire, putain, ça c'est trop bien. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi. Et en fait, j'ai eu l'impression d'avoir quelque chose de plus sincère, anciennement. Alors, je vais pas essayer de dire que le groupe ne l'est plus, parce que dans l'interview de Rock Hard de ce mois-ci, justement, ce qu'ils expliquent, c'est qu'ils font ce qu'ils veulent, ils font jamais un album qu'attendent les fans, ils font ce qu'ils ont envie de faire, et c'est très bien. Mais en fait, je me suis rendu compte que peut-être, alors là, j'extrapole à ma pensée, je sais pas du tout si c'est le cas, mais peut-être à l'époque de leur ancien morceau, ils étaient plusieurs à composer. Maintenant, en membre originel, ils sont plus que deux. C'est eux qui ont fait tous les deux derniers albums. Et que peut-être, c'est de là que vient la différence. Et que justement, peut-être que plus t'es nombreux, plus c'est compliqué, ou plus tu viens nourrir la musique, mais peut-être aussi que mieux ça ressort. En tout cas, la comparaison entre les anciens morceaux et ce dernier album, elle a été violente directe. J'ai pas passé un mauvais moment à écouter cet album. Par contre, direct, j'ai vu ce qu'elle n'est pas quand les anciens sont sortis. Voilà, donc c'est peut-être pas le pire album d'In Flame. C'est sûrement pas l'un des meilleurs, mais c'est pas le raté auquel je m'attendais, en tout cas. Je préfère le dire parce que j'ai assez craché dessus pour. Oui, c'est vrai. Donc voilà. Et je te conseille de l'écouter comme ça, tu verras. C'est pas désagréable. Alors, je ne connais pas In Assez Flame. pour t'en rendre compte, donc encore mieux. Tu seras pas du tout influencé comme ça. On Tu peut vois, voir ça comme tu ça. seras pas déçu de ce que tu entendras. C'est soit t'aimes, soit Effectivement. t'aimes pas. Ouais, je ne comparerai pas. Voilà. C'est ce que tu veux dire. Mm-mm. Eh bien, tant mieux. Est-ce que tu as écouté d'autres choses, toi, cette semaine? Qu'est-ce que j'aurais écouté, moi, d'autre Tu chose n'es cette pas, semaine? t'aurais pas écouté le dernier Mélancolin à un moment donné dans ta vie? Si. Et Oh, alors? ça, bah, c'est à la sortie que je l'ai écouté. Donc, Oh, il y a 15 jours. ouais. Bah, il y a un moment, oui, il y a 15 jours. À peu Ah, près. bah, c'est un bon Mélancolin. Tu sens que les mecs prennent un peu d'âge, donc c'est plus cool, mais c'est du Mélancolin. D'accord. Voilà. Tout simplement. Eh ben, c'est déjà ça, hein. C'est déjà ça. C'est déjà ça, hein. Ouais. Est-ce qu'on passerait pas donc à la partie chronique Mais bien qui nous sûr a que rendus si. célèbres de par notre quartier? Oh bah, de part de là, même la haie du voisin. Hein. Bah, le quartier en général, il dépasse un peu le. Ah ouais, mais moi, le quartier, c'est. Que chez toi. Ah ouais, c'est dans Ah, ma d'accord. cour. Waouh. Bah, putain. Et dans mon jardin. D'accord. Qui commence? Je sais pas, je me sens pas inspiré. Vas-y, Eh bah, commence. écoute, alors je vais commencer par le plus gros. Ouais. Comme ça, on sera libéré. Et pas. Non, non, Je non. peux aller. Non. Donc je vais commencer par Bloodbath. Ah, Ouais. d'accord. Donc déjà, Bloodbath, bah, ils sont en tête d'affiche. Oh putain, j'ai perdu ma feuille. Temple Altar. Quoi, tu vois ça? Altar, samedi. Samedi, Altar. Mais oh, moi qui l'ai marqué, je le sais. Donc Bloodbath, formé en Putain, je suis sur la 98. couverture. Pardon? Quoi? Non, j'ai entendu. Hein. Et j'apprécie pas. Je dis, il faut que je refasse ma couverture. Ah, parce que t'as des... Bah, j'ai des problèmes, ouais. De toiture. Ouais, c'est ça. Ah, c'est ça. Donc, formé en 98, il y a déjà plus de 20 ans, c'est fou comme le temps passe. Oh là, 98. Ouais. Pff, je t'en apprends. Et ça. Qu'il est bien loin le temps de cette année 98 où j'étais encore jeune. Ouais. J'étais au coiffeur ce matin et effectivement, c'était il y a longtemps. Bref, Bain de sang ou Bloodbath est un groupe de death metal suédois, ce qui n'est pas très, très original. Formé à Stockholm et qui compte au total 5 albums, 2 EP et 2 DVD, l'un du Wacken Open Air de 2005 et l'autre du Bloodstock Open Air de 2010, je crois. Fait étrange que de capturer des prestations de festoche. Mais bon. Bon alors, accrochez-vous parce que là, je vais balancer des noms dans tous les sens. Ok, je m'accroche. Donc à la base, Bloodbath, c'est un soir des amis, Michael Åkerfeldt, le chanteur d'Opeth, Ander Nyström, guitare de Catatonia, Jonas Rexe, chanteur de Catatonia, mais ici il joue de la basse, Dan Suano, qui a participé à tout un tas de groupes, à tous les instruments, mais ici c'est la batterie, qui se sont dit que ce serait sympa de faire un groupe de death metal classique dans le style d'Entombed, mais qui serait mélangé à certains des groupes de death metal américains de Floride. Un hommage au death metal américain de... un hommage au death metal old school qui régnait à la fin des années 80. C'est vrai que... En fin de soirée, c'est exactement ce qui nous arrive à nous. Ben, pareil. On pourrait faire un groupe de death metal. Ah, ça nous est arrivé en même temps. Et on pourrait reprendre la Carioca, version ska punk. Du coup. Ouais, mais c'était une. C'est pas tout à fait la même chose. Ouais, non. Ben, en même temps, on a monté le groupe juste pour reprendre ce morceau-là. Donc, du coup, c'était un peu l'idée aussi. Quoi. Sauf que vous n'étiez pas dans des groupes. Je te parle de musiciens quand même assez un peu réputés déjà. Ouais, c'est vrai. Mais non, toi, faut toujours que tu tires la couverture à toi. Après un premier EP en 99, c'est très bien nul, reçu, c'est parti pour un premier album en 2002 avec ce line-up. Salué par la critique, cet album établit le groupe rapidement comme l'un des meilleurs groupes de death metal scandinave de l'époque. Au sujet de ce disque, Michael Åkerfeldt, le chanteur d'Opeth, hein, je répète, déclare 10 titres de la forme la plus pure de l'hiver comme le death metal. C'est une licence poétique. Ah, mais le mec est à fond. Nous voici en 2004, c'est fou ça passe, pour un second album où le line-up a quelque peu changé. C'est Michael, étant devenu trop occupé par son groupe principal, c'est Peter Tägggren, leader, chanteur et guitariste d'Hypocrisie, ou encore Pain, où il occupe tous les instruments, y compris le chant, et a composé toutes les chansons. Martin Axelrod, batteur d'Opeth, vient se mettre derrière les fûts, tandis que Dan Suano, lui, laisse la place et vient à la guitare. De toute façon, il peut prendre tous les postes. Mec, il... Oh, j'aime bien le groupe, je vais quand même rester. Si je suis plus batteur, je serai guitariste. J'en reviens au début. Pas de la trompette. Avec le DVD du Wacken. En fait, c'est parce que c'est le premier concert du groupe. Oh merde. Bah ouais. En fait, le groupe ne jouait pas en live à l'époque. Il n'y a que avec le Wacken, donc autant d'années plus tard qu'ils ont joué. C'est dingue. Du coup, nouveau line-up. Peter laisse sa place de chanteur pour des problèmes d'horaire divergents. Et c'est le retour de Michael, mais pour un bref retour. Faut pas déconner non plus. Un an plus tard, c'est... Il faisait les 4-8. Hein. Bah oui, je pense, ouais. Il y avait des horaires de boulot. Je peux pas, faut que j'aille tout à fait à l'usine. Un an plus tard, c'est Dan qui laisse sa place de guitare à Per Sodomizer Eriksson, qui était guitariste chez Catatonia et Guitar Tech de Bloodbath. Les mecs se croisent. 2008, nouvelle EP, toujours aussi bien accueilli, puis nouvel album. 2010, sortie du DVD filmé pendant le festival Bloodstock. Petit passage par Clisson la même année. Tout va pour le mieux dans le groupe et en plus Michael est toujours présent. Mais pour combien de temps? Bah, jusqu'en 2012, à peu près. 2014, le groupe rentre en studio afin d'enregistrer leur prochain chef-d'œuvre, selon leur page Facebook. Un voile de mystère plane sur le nouveau chanteur. Finalement, on apprend que c'est Nick Holmes, le non moins légendaire leader de Paradise Lost. Toujours selon leur page. Un opus qui contient une collection organique de pistes sordides qui reste inébranlable dans son approche et vieille école et pourrie jusqu'à l'os avec des mélodies étranges et sinistres mélangées à des riffs bruts et sauvages. Bloodbath ou un certain sens de la com en quelque sorte. Le groupe intensifie son activité live. D'ailleurs, on voit souvent le groupe en live avec comme des éclaboussures de sang sur le visage et les vêtements. Je n'irai pas jusqu'à un bain de sang. Mais l'idée est là. Bloodbath repasse par Clisson et un peu tous les festivals possibles malgré le départ de Sodomizer à la guitare, je le rappelle. Et enfin, 2018, cinquième album studio, et bien sûr, un peu de changement dans le line-up avec l'arrivée de Joachim Carrison en tant que nouveau guitariste, et bien sûr, plein de festivals annoncés. Si on résume, et même si j'ai commencé par là, parce que j'avais dit au début, Bloodbath, c'est deux EP, cinq albums, deux DVD live, et au final, on peut dire que c'est un super groupe. Ouais. Parce qu'il y a... Dans le sens super groupe. Dans le sens super groupe. Maintenant, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Eh bien, en fait, j'ai trouvé ça vachement bien. Ah ouais. Ah, j'ai vraiment adoré. Alors, c'est vrai que je me suis plus arrêté sur les deux derniers albums. Donc, il y avait déjà Nick Holmes qui était là au chant. Mm-hmm. Et en fait, ça passe super bien. Alors, il y a un petit côté, effectivement, sale et un peu glauque que tu arrives quand même à ressentir à travers la musique de Bloodbath. Je sais pas, après, c'est parce qu'il y a l'imagerie et que je le sais et que donc mon esprit fait le... Rien que le nom, déjà, tu... Bah, même le logo, rappelle-toi, t'arrivais pas à le lire. Oui. Ceux qui sont en tête d'affiche. Ouais. Mais en tout cas, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le dernier album est vraiment, je pense, mon préféré. Je suis retourné ce soir même écouter un peu plus en avant parce que j'avais pas vu que c'était pas le même chanteur. Et en fait, parce que le chanteur d'Opeth, normalement, tu le reconnais. Je crois que c'est le premier album d'Opeth que j'avais acheté, donc que j'avais un peu saigné. À l'époque où ils jouaient encore assis, les mecs. Ouais. Et effectivement, maintenant que je le sais, j'y fais plus attention et je me dis, ah oui, peut-être qu'effectivement c'est pas le même chanteur, mais en tout cas ouais, non, c'est du bon, du très très bon death metal. Ça sonne pas comme un, bah, c'est con ce que je veux dire, ça sonne pas comme un super groupe, mais enfin, ça, t'as vraiment le, tu ressens un peu effectivement d'un album à l'autre le possible changement de line-up dans le style des chansons. Mais ça reste quand même du très très très bon death metal. J'ai presque envie de trouver, de lui rajouter même un autre truc que death metal, parce que c'est pas suffisant. Mais voilà, c'est très très bien. Je serai assurément devant. Hein, ah non, j'ai vraiment vraiment bien aimé. Je pense que de toute manière, cette année, c'est pas pour moi la Warzone. Donc je serai sûrement à Altar et à Temple avec tout ce que j'ai écouté. De... Ouais. Ouais, non, je ne saurais pas trop quoi dire de plus. Les phrases que j'ai dit quand ils utilisent la com pour en parler. En fait, je comprends ce qu'ils veulent dire, parce que c'est vrai que ça a un petit côté sale quand même. D'accord. Ça marche bien, c'est efficace, c'est plutôt bien produit, surtout sur les derniers albums. Puis quand tu sais que c'est des musiciens qui viennent d'autres groupes où ils font complètement autre chose, quoi, c'est kiffant. Ouais. Je pense que ça fait un peu le même effet qu'avec At The Gate et l'autre groupe. Je vais pas retrouver, mais est-ce que tu vois ce que je veux dire? Tu sais, il y avait l'autre groupe qui jouait aussi en 2018 au Hellfest. Ouais. Et ils avaient quelque chose d'un peu différent. Toi, t'avais bien aimé At The Gate. Ouais. Et il y avait l'autre groupe, bah, je crois que t'avais bien aimé aussi, on avait vu que At The Gate. Putain, ouais. Tu vois, ça, pas ce que je veux dire ? Non. Ça te parle pas du tout ? Ben, vaguement, mais... Attends, si je tape At The Gate, est-ce que j'ai trouvé ? Non, alors parce que ça marche pas. At The Gag, c'est pas ça. Non. Ça, c'est le problème de la bière, hein. Ça te fait rater des mots. C'est... Alors, est-ce que je peux trouver un truc en lien? J'ai envie de te dire. Alors, trouves-tu? C'est pas The Great Deceiver, non? Ou The Haunted? Non, c'est pas ça. Ah là là, on est quand même en train de... Ah, ouais, je crois voir. Ah, ça te parle? Mais j'ai pas le nom. C'était pas du death, c'était plus un trash, non? Ah bah je sais plus. Hard rock, non, je sais plus trop. Bah c'est pas The Great Deceiver. Non, je crois pas. Ça te parle pas, ça? Non. Ah là là. Eh ben... Non, mais laisse tomber, on verra. D'accord. En tout cas, voilà, c'est très très... moi, je te le conseille. Vraiment, j'ai bien bien aimé, c'est... ça marche bien, c'est efficace, des bons riffs, du bon rythme, même le chant il passe bien. Ouais. Voilà. Non, bon, bah, c'est cool. Très très bonne surprise, très agréablement surpris. Allez-y, foncez, c'est de la bonne, comme on dit. Ok, cool. Voilà. Ça fait du plaisir. À vous-même, jeune homme. Ok, alors moi j'avais mon premier groupe, Like a Storm. Oh là. Ouais, tu dis. Qui est un groupe néo-zélandais de hard rock post-grunge. Oh, est-ce qu'ils ont vu ça ? Depuis 2005. Donc, c'est pas tout récent. C'est vrai ce que tu dis. Et la particularité de ce groupe, c'est que c'est des frangins. Ah bon ? Ouais. Tous ? Donc Chris Brooks, Matt Brooks, Ken Brooks et Zach. Bruce ? Non, Wood. Putain, c'était un piège. Mais ouais. Donc Like a Storm est un groupe de hard rock néo-zélandais originaire d'Auckland, formé par Chris Kent et Matt Brooks. Brooks, pardon. Like a Storm partage au fil de son expérience la scène avec des groupes tels que Alter Bridge, Korn, Shinedown, Black Veil Brides, Creed, Puddle of Mud, Stained et Sick Puppy. Voilà. D'accord. Donc rien que ça, quoi. Donc, bah ouais, c'est considéré comme du hard rock post-grunge. Alors moi, j'ai pas vu le côté grunge, ni post, d'ailleurs. Mm-hmm. Voilà. Moi, ça m'a pas branché des masses, mais à part ça, c'est très... très gnangnan, pour ma part. C'est très main stage. Ouais, c'est très main stage, ouais. C'est ça. Bah, moi, le peu que j'ai écouté, ça m'a fait un effet assez marrant, c'est que je me suis dit, tiens, c'est marrant, c'est exactement le genre de truc que j'aurais pu chercher à écouter il y a 20 ans. En me disant, hey, j'aurais pu chercher un truc dans ce style. Ah ouais. Et le résultat, en fait, est pas... on va dire, je trouve que c'est efficace dans le style que c'est, mais pas pour moi, aujourd'hui, en tout cas. Ouais. Mais ouais, non, c'est... Pour moi non plus. Il y a combien d'albums ? Je sais pas... Je crois qu'ils ont 5 ou 7 albums, je crois. Et t'as écouté quoi, toi ? L'album studio, ils en ont 3. Ils ont un album live et un DVD. Hey, et 2 EP. Non, je confonds avec un autre groupe. Donc, ouais, 2009, 2015, 2017. Voilà. Et t'as écouté quoi ? J'ai dû écouter un peu du premier en entendant ce que j'ai entendu. T'as arrêté. J'ai pas été plus loin. Ah, donc t'as préféré... J'ai écouté un peu le dernier, 2017, en me disant peut-être qu'ils ont changé un peu de style. Et que... Mais en fait, non, ça reste... Donc, bon, la particularité, c'est qu'ils jouent au didgeridoo. Voilà. Donc le mélange est pas très... pas très fifou, quoi. Non. Donc t'as préféré Papa Roach ? Ah bah oui, à ce niveau-là, ah, oui. Tu vois ? Comme quoi, des fois, on... Ouais, enfin là, tu compares l'incomparable. Ah, mais on se découvre des passions. Comme le badminton. Ah, donc ça t'a... Ouais, d'accord. Bah écoute, c'est vrai que le peu que j'ai écouté ne m'a pas forcément emballé non plus. Pas du tout. Hein. Par contre, je me suis dit, ouais, non, au milieu d'après-midi en main stage, ça va cartonner. Mais pas pour moi, quoi. Pas du tout pour moi. Je ne serai pas devant, en tout cas. Non, moi non plus. C'est sûr. Fait, tu n'iras pas braver la main stage pour ça. Ah, surtout pas, non. Non. Donc, c'est pas une bonne découverte. Non, non. Toutes ces poitrines découvertes. Non, non, ça... Enfin, ça, je comprends bien. Non. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? Oh, bon, non, il n'y a rien à ajouter. Hein. Très bien. Non. Alors, je passe à mon deuxième groupe. Fais donc. Mon deuxième groupe va être My Sleeping Karma. Ah, tiens, dis donc, qu'est-ce que c'est que ça ? My Sleeping Karma, ou Mon Karma Endormi, est un groupe de rock allemand originaire d'Aschaffenburg, dans le district de Basse-Francorchamps, dans la région métropolitaine de Francfort. Ah, j'ai l'impression que ça ne te parle pas trop. Si, elle est parfois surnommée la Nice bavaroise. Ah ben ouais. Voilà, tu vois. Ah, tout de suite, tu visualises beaucoup mieux. J'ai dit groupe de rock, mais il mélange tout autant le rock psyché que le stoner avec des sonorités indiennes. D'ailleurs, le groupe se définit comme psychédélique groove rock, avec pour principale influence Iron Maiden, Slayer et Tool. Pas forcément d'accord avec les deux premiers, mais bon, c'est ouais. Cool. Bah, de ce que j'ai écouté, enfin, entre Iron Maiden, Slayer et Tool, ok pour Tool. Ouais, dans l'esprit, ouais. Voilà. Alors, bio rapide. Jusqu'en 2006, le bassiste Matteu et le batteur Stephen jouent dans le groupe stoner The Great Escape. Après que le chanteur quitte le groupe, les musiciens continuent comme groupe instrumental car déjà engagés dans des festivals. Ça m'a fait beaucoup rire. Ah putain, les pauvres. Ça devait être super sympa. Ouais, c'est clair. Seppi, le gratteux, et Norman, le soundboarder, complètent ce groupe de psychédélique groove rock sans chanteur. Donc, My Sleeping Karma, après 2 albums et une popularité grandissante, en 2010, le groupe fait la première partie de Brandbjork et participe au Hellfest. En 2012, et après 4 albums, le groupe fait la première partie de la tournée européenne de Monster Magnet, et en 2013, à nouveau le Hellfest. Ce sera donc après 5 albums, un tous les 2 ans grosso merdo, et un live, qu'en 2019, My Sleeping Karma passera pour la 3e fois au Hellfest. Et ils seront le vendredi sous la vallée, la salle qui leur va le mieux, en fait. Et moi, ce que j'en ai pensé, et mais putain, mais j'ai tellement aimé ce groupe. Parce qu'en fait, j'ai eu une espèce de paradoxe sur ce groupe. Parce que musicalement, bah, c'est top, c'est super bien, ça passe, mais franchement, ça passe partout, tout le temps. Je veux dire, j'ai écouté ça quand j'étais du matin la semaine dernière, et il y a des groupes, des fois, qui sont un peu durs. Je veux dire, bon, cette semaine, j'ai eu Elle a meurt aussi. À un moment donné, Elle a meurt, j'ai mis une chanson, et puis au bout de 30 secondes, j'ai dit non, il est trop tôt. Il est trop tôt dans ma vie, je me suis dit. Tu vois, donc, je me suis mis un peu de My Sleeping Karma, et tout de suite, je me suis détendu. Je me suis dit, ah, ça détend, c'est cool. Le fait qu'il n'y ait pas de chanteur, en plus, j'ai eu un peu peur, mais en fait, ça va, ça passe bien. C'est exactement du psyché groove rock, parce que c'est psyché, mais c'est pas trop psyché dans le sens planant. Ça l'est un peu, mais ça bouge. Ouais. Et c'est super agréable. Du coup, je me suis dit, ah, mais ça va être super, ouais, Hellfest, sous la vallée, mais ça va être trop bien. Je vois bien ça en groupe le matin, premier groupe du matin, tu viens de te réveiller, t'as un peu la gueule dans le cul, tu te mets ça, tu te mets bien, tu renifles un peu 2-3 vapeurs, t'es cool, tu passes un bon moment. Mais je me suis fait une réflexion, j'ai adoré ce que j'ai écouté, j'ai à peu près écouté tous les albums, il n'y a rien qui m'a vraiment déplu, parce que c'est comme une musique d'ambiance, donc c'est jamais fortement désagréable. Tu vois. Par contre, je me suis dit un truc qui était très bizarre, au Hellfest, ça va être cool. Demain, il passe à côté de chez moi, je sais pas si j'y vais. Parce que quand je vais voir un groupe en concert, c'est pas ça que je veux voir. Ben oui. Ouais, c'est un paradoxe un peu chelou, du coup. C'est pas faux. Tu vois, c'est parce que là-bas, j'ai très envie d'y aller, j'espère que je pourrai être devant, j'ai envie d'être devant. Mmh. Je serai devant. Ça passe pas loin, genre, bon, pas à côté de chez moi, si j'irai, parce qu'il y a pas beaucoup de concerts, mais admettons, ça passe du côté de Caen, par exemple. Ouais. C'est pas sûr que je fasse les 3 quarts d'heure de déplacement pour un truc qui va. Tu vois ? Ouais. Ou alors, faut que j'ai vu au Hellfest, que ça m'ait retourné la gueule et que j'ai trouvé ça génial. Et j'ai dit, ok, bah, j'y vais. Mais là, tel que, tu vois, c'est un petit paradoxe. Ouais, ouais, je comprends. Tu vois, mais ouais. À côté de ça, c'est super. Hmm? J'essaierai de le mettre samedi soir en fond pour voir ce que ma femme en pense. Genre, est-ce que ça pourrait, tu vois. Peut-être que, sachant qu'elle aime pas le métal, peut-être que. Peut-être. Ça lui plaira forcément plus que Bloodbath. Ouais, je pense. Mais toi, tu connais un peu? Je les avais vus ouais, quand ils étaient passés en 2010, c'est ça? Alors, 2011-2010. Oui, ouais. Tout à fait, tout ouais. À fait. Et donc bah, en fait, j'avais découvert cette année-là, justement, en me disant, mais c'est... J'ai écouté, je me suis dit, putain, mais il n'y a pas de chanteur. Effectivement. Ouais, bon, j'ai bien aimé. Sur scène, bah, par contre, oui, c'est pas la même chose. Hein. C'est plutôt... C'est cool, c'est super bien passé. Bah, je me doute, voilà. Ouais. Non, mais là-bas, je me doute. Ouais. Ouais, en première partie d'un autre groupe, peut-être, tu vois. Ouais, je sais qu'ils passent assez régulièrement, je crois. My Sleeping Karma, ils sont passés à Nantes 2018, je crois. Tu ne me trompes pas. Ouais, mais après, oui, c'est sûr que si tu vas sur Nantes pour aller voir un groupe, qui... forcément, ça va pas le faire. Alors, non, alors qu'en plus, la manière dont je le dis, c'est pas du tout péjoratif. Hein. C'est juste que moi, quand je me déplace pour un concert... je vais plus voir des trucs qui bougent, c'est tout. C'est pas du tout en gros en dire, hey, vous avez pas de chanteur, vous êtes des ringards. Non, c'est pas ça, vraiment. C'est juste, c'est pas forcément ce que je vais voir en concert. Enfin, c'est tout. D'accord. Non, mais je voulais préciser parce que ça. Mais c'est bien, précise. Voilà. Voilà. Voilà. Donc je serai potentiellement devant. Et je. Et bah tiens, ça, je l'ai pas dit pour Bloodbath. Alors je ne sais pas si j'achèterai des CD, mais je pourrais en acheter un. My Sleeping Karma, ouais, je pourrais totalement en acheter un. Ouais. Et de moi-même retourner écouter les deux. Voilà, je voulais dire. Et toi pour cool. Like a Storm Oui, oui. Ah bah complètement. C'est quoi la question? Allez, ouais. Groupe suivant. Ça va être sympa. The Ocean. Oh. Groupe. Qui est un groupe allemand. De post-metal sludge. Metal progressif, metal expérimental, post-hardcore. En activité depuis 2001. Voilà, c'est un groupe allemand. Qui passeront samedi sous la vallée. C'est ça. Donc oui, hein, c'est totalement dans l'esprit hein, post-metal. Sludge, bien. Bien, bien sludge. Bien sludge. Ouais, progressif, expérimental. Donc c'est assez brutal tout en étant très aérien. D'accord. Tu vois dans l'esprit? Bah, j'essaye de visualiser, mais ça fait des dessins bizarres dans ma tête. Ouais, assez violent. Ouais, non, t'as le côté sludge, très posé, très pas lourd, entre le doom et le stoner, on va dire, là. Et à côté de ça, t'as ce côté très aérien, un chant très. Et musicalement, pareil. Donc ça te fracasse un peu le rythme de la musique. C'est plutôt bien foutu. Ouais. C'est pas ma came, mais c'est plutôt bien foutu. D'accord. Ça sonne bien. Que te dire de plus? Pas grand chose à dire. Ouais, ça passe bien. Je pense qu'à mon avis, pareil, tu serais plus sur le midi, tu vois, quand tu commences à bien te réveiller. Ouais. Et là, tu veux partir un petit peu plus loin sur. Alors après, je sais pas ce qu'il y a le même jour, mais je sais que leur dernier album a été vraiment plébiscité par la critique. Ouais. Donc De ce que j'en ai écouté, j'ai pas tout écouté comme j'ai fait avec pas mal de trucs là. J'ai survolé un peu. Ouais, ouais. j'ai écouté 1 minute, c'est ce que je fais, j'écoute en général la moitié du morceau. Et puis bon, bah, quand je vois que ça va me donner la même chose sur la fin, voilà. Donc, mais ce que le peu que j'ai écouté, parce que honnêtement, j'ai pas écouté grand-chose d'eux, j'ai dû écouter, allez, en gros, 5-6 morceaux. Ah ouais, c'est Ouais, tout. ouais. J'ai pas pris le temps d'écouter vraiment cette semaine, bizarrement, je sais pas pourquoi, je pense qu'à mon avis, j'ai été un peu déçu sur deux groupes, et du coup, j'ai pas. Ça t'a bloqué. Ah, ça m'a bloqué, D'accord. voilà, du coup. Mais le peu que j'ai écouté d'eux, par contre, très sympa. Mais est-ce que du coup, ça t'a donné quand même envie de retourner écouter? Ouais, mais dans une autre perspective, tu vois. Ah d'accord. Ouais. À manager une ouais mais en fait maintenant que tu connais. Maintenant que je connais, ouais. Voilà, Ouais, d'accord. j'irai écouter. Ah oui. Je Non pense parce que là que. je te sentais un peu genre t'as pas écouté parce que t'as pas accroché quoi. Bah, j'ai pas accroché, mais je pense qu'il y avait aussi peut-être le. Le moment, le Ouais, le moment, momentum. c'était pas le bon moment. Pas pour ce genre de musique. D'accord. Faut être assez. Je pense qu'ils ont tendance un peu à intellectualiser La la musique? musique, ouais. D'accord. Et du coup, c'est assez spécial à écouter quand même, hein. Bah, le peu que j'ai entendu, ouais, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Après, c'est vrai qu'il y a une petite biographie quand même, mais beaucoup à lire, hein. Mais ouais, c'est ce que je dis, ils ont un peu tendance à intellectualiser la musique, très sur la philosophie, machin, truc. Du coup, c'est la semaine là n'était pas propice D'accord. à découvrir ce genre de musique. Est-ce que tu penses qu'on pourrait avoir une mise à jour avant l'édition 2019? Mise à jour de ma part? Oui. Ouais, possible. Ouais. D'accord. C'est possible. Parce que là, je vois que t'as pas grand-chose d'autre à rajouter. Non, j'ai pas grand-chose d'autre à rajouter. Je dis non, cette semaine n'était pas propice à ce groupe. D'accord. Très bien. Étrangement. Eh bien, je vais passer à Hellhammer, performed by Tom Warrior, Triumph of Death. Tout à fait. Qui est très très long comme titre. C'est vrai. D'accord. Alors, avant toute chose, je tiens à dire que je parlerai forcément mal de Hellhammer et de Tom Warrior parce qu'il y a énormément à dire. Non, parce que moi j'ai rien à dire. Non, mais moi j'ai vraiment énormément à dire. Enfin, il y a vraiment énormément à dire, mais je vais pas le faire parce que Ouais. je vais passer à côté. Donc, Hellhammer, performed by Tom Warrior, Triumph of Death, est un projet de tournée où Tom Gabriel Warrior va rejouer les morceaux de son premier groupe, Hellhammer. La première date confirmée de cette tournée sera celle du Hellfest, donc le vendredi 21 juin, sous la Temple. Donc, du coup, je vais parler un peu de Hellhammer. Donc, de quoi est-ce que c'est Hellhammer? Eh bien, c'est un groupe de métal extrême de la musique forte pour tes oreilles. Ouais. Originaire de Nurensdorf à Zurich, formé en 81 sous le nom Hammerhead par Steve Warrior et Tom Warrior. Alors, ils sont pas frères, c'est juste deux potes. Ils ont pris comme pseudo Warrior. D'accord. D'accord, donc il y a Tom Warrior et Steve Warrior. Ce qui est marrant, c'est que Tom Warrior, Tom, c'est son vrai prénom, alors que Steve, c'est pas du tout son vrai prénom. Bref. Mais Warrior... Après la séparation de leur précédent groupe, Grave Hill, le groupe est considéré comme un pionnier du métal extrême, en particulier du black metal, et l'un des fondateurs du death metal. En 83, leur première démo est enregistrée tant bien que mal, et l'ingé son de l'époque n'hésite pas à exprimer son opinion. Ça n'a rien à voir avec de la musique, ce que vous faites. Ne ris pas. Ah si, si, j'ai... si. Non, non, ne ris pas, j'ai écouté, il a raison. C'est trop que je ris. Cette démo en deux parties, Death Friend et Triumph of Death, possède comme qualité un son atroce, des musiciens approximatifs, une musique très influencée par Motorhead, Discharge et Venom. C'est lors d'un voyage à Londres que Tom, en tombant sur une cassette de Venom, a décidé de faire de la musique. Bref, à l'époque, la démarche du groupe se couvre de ridicule et se retrouve en décalage par rapport aux standards de 83. Steve Warrior quitte le navire et donc Tom n'a d'autre choix que de retrouver un autre acolyte, parce qu'un groupe de 1, c'est pas vraiment un groupe. Il retrouve Martin Eric Hain, une autre démo, puis en 84 un EP, puis le 31 mai 84, la même année, Hellhammer se sépare. Donc il n'y a pas eu d'album. Des démos et d'EP, et change de nom pour Celtic Frost en juin de la même année. Cette fois, le groupe a une idée précise de l'orientation musicale, des paroles, de l'image qui accompagnerait le groupe. Bref, tout l'inverse de ce qu'était Hellhammer. Pour Tom Warrior, Hellhammer reste associé aux périodes les plus difficiles de sa vie, car c'est une réponse à son enfance difficile où il ne trouvait nulle part sa place et donc a fini par la créer. Plus tard, Celtic Frost se sépara et Tom fondera Triptychon, toujours actif à ce jour. Je récapitule, 3 démos, 1 EP et une compilation en 2008 de l'ensemble, c'est ça que j'ai écouté, sans pour autant un meilleur son, et Hellhammer, un groupe qui a marqué de sa courte empreinte le métal extrême, et c'est donc un concert historique qui se déroulera sous la Temple cette année. En fait, le vrai problème que j'ai avec Hellhammer, c'est que toute l'histoire et tout le lore qui entoure l'histoire de Tom, de Hellhammer, de Celtic Frost et de Triptychon, est, selon moi, plus intéressante que ce que j'ai écouté. Parce que la compilation de 2008, qui est à peine remasterisée, a le son d'époque, et c'est dégueulasse. Franchement, en fait, quand j'ai écouté, avant de m'intéresser à l'histoire, ma seule réaction, c'était « Non, mais c'est pas pour moi. » J'étais juste en mode « Non, mais j'ai rien à voir à dire, c'est pas pour moi. » Mais parce que c'est dégueulasse. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que dès que tu regardes le côté historique de la chose, en fait, Tom, il a eu une enfance difficile où sa mère, elle faisait des trucs... il est enfant divorcé, sa mère revendait des trucs, elle lui a dit que, même quand il avait du succès, elle lui a dit « Mais j'ai jamais cru en toi, je pensais que t'étais une merde et tout ça. » À l'école, il se faisait emmerder par tout le monde, il se faisait taper et tout ça. Donc en fait, il a vraiment eu de la colère. C'est un mec qui est colérique, qui a un caractère de merde, qui est désagréable apparemment, mais il a toujours réagi comme ça. Et en fait, Hellhammer, c'était ça. C'était son moment de truc. Donc à la limite, que ça sonne sale, c'est pas grave, ça allait. Mais tout le monde à l'époque, parce qu'en plus, c'est quand même des précurseurs. Donc c'est ça aussi qui joue, c'est le côté, ils étaient là en premier à essayer d'aller prendre les claques dans la gueule pour les autres, quoi. Et c'est hyper dur aujourd'hui, quand tu écoutes ça, de te rendre compte que c'était précurseur. Parce qu'il y a effectivement 2 ou 3 morceaux où j'ai dit « Ah, tiens, j'entends au loin un riff pas mal. » Mais que j'ai déjà entendu 20 fois depuis. Oui. Parce qu'on est en 2019, parce qu'il y a eu beaucoup d'efforts de fait sur plein de prods, même dans les trucs black metal les plus trous. Et puis, parce qu'on n'y était pas à cette époque-là. Ouais. Voilà, donc on n'a pas suivi, on n'y était pas à écouter ça maintenant. Donc c'est hyper dur de se projeter en disant, c'est ça qui a créé le reste. Je le sais, mais quand je l'entends, je me dis juste, j'entends un truc dégueulasse. Je pense, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, oui, d'accord, je le sais. Je suis comme vous maintenant, les gars, je le sais. Je suis exactement au même point que vous, juste, je peux pas mentir et dire, c'est trop bien. Non. Sans déconner, c'est inaudible le truc. Par contre, du coup, si c'est bien joué en live, ça peut être un putain de concert. Ça peut vraiment être top. Ouais. Après, je me suis pas penché sur Celtic Frost et non plus sur Triptychon, parce que j'ai pas voulu aller sur d'autres choses. Je devais parler de Hellhammer, donc voilà, je le fais. Donc, je suis en fait assez partagé parce que pour moi, effectivement, ça va être un concert important. Je trouve qu'il va y avoir découvrir ces morceaux-là aujourd'hui, ça peut être intéressant. Est-ce que je serai devant? Je ne sais pas encore. Est-ce que j'ai envie d'y être? J'ai peut-être envie de voir. Je n'ai pas acheté. Par curiosité. Bah, pour le côté justement historique du truc, tu Mais vois. Tu vois, c'est plus ça qui me parle. oui. Après, par contre, il y a vachement apparemment à découvrir sur Celtic Frost, sur la suite. Tu vois, genre, c'est comme si Elhammer, ça devait être un brouillon. Celtic Frost, c'est devenu un truc. Alors, je prononce Celtic parce que je me suis renseigné un peu et j'ai vu une vidéo où le mec prononçait Celtic. C'est pour ça que je le dis souvent. D'accord. Avant, j'aurais dit Celtic Frost. Tu vois, Non. mais... apparemment, c'est une version beaucoup plus avancée. Il y a vraiment genre une étape de folie qui a été faite avec ce groupe-là. Donc, je trouve ça hyper intéressant au niveau histoire. Mais on parle de Elhammer et Elhammer a été un four à tous les niveaux, quoi. Et c'est impressionnant, je trouve. Ouais. Parce que toi, comme moi, je suis sûr, c'est un nom que tu as toujours entendu, qui a toujours été là. Oh bah elle a meurt, oui, je me demande même si je les ai pas déjà vus. Non, c'est pas Non, possible. non, mais pas vu sur une affiche de quelque chose d'un festoche ou je sais pas quoi. Un bout d'affiche que tu as trouvé dans un caniveau, ça faisait 15 ans qu'elle était là. Ça. Peut-être, ouais. Le groupe Qu'elle est s'arrête. Attends. moisie. Attends, le groupe a été formé en K. J'ai dit quoi? En 81 et s'est arrêté en 84. T'as vu? Eh ben. Tu vois? Y a pas eu d'album, que des démos, Ils ont que. pas repris, non? Jamais! Non! Elhammer, c'était rangé, c'était Donc de fini. 84 à 2019, il n'y a rien eu. Ah si, en 2008, il y a eu la compile. Mais la J'avais vu ça, compile, moi. franchement, là, c'est. Tu sais, quand je l'écoutais au début, parce que comme je m'étais pas censé, j'ai vraiment dit, ah, ils sont vraiment trous hein, dans le son. Eh ben. Je veux dire, en fait, je m'étais même fait j'avais commencé à avoir une réflexion sur, en vrai, bon, c'est quoi l'intérêt d'être contre les prods, les bonnes prods? Je veux dire, non, parce que là, tu sais, j'avais commencé à me poser la question de dire, non, mais parce que, ok, d'accord, je veux bien comprendre le côté, ouais, nous, on est des vrais. Mais c'était pas possible. C'était pas Parfois, faut possible. faire l'effort quand même, un Non, minimum. mais c'est ça, tu vois, le truc. Enfin, bref, voilà. Donc, c'est assez particulier de parler d'un groupe comme ça, mais en même temps je reconnais tout ce que ça a pu entraîner, tout ce qu'aujourd'hui ça représente, et ça me donne envie, tu vois. Voilà OK. ce que j'avais à dire sur Hellhammer, Powered by Tomb Warrior, Triumph of Death. Ok. Voilà, c'est tout pour moi, merci. C'est déjà pas mal. C'est bien que tu fasses des trucs longs comme ça. Oui, mais je t'avais dit que c'était pas facile à aborder. Ah ouais, non, mais complètement. Ah, c'est parce que moi, après, j'ai la Stamptation. Ah, j'ai hâte. Ah bah, y a rien. Y a rien. Mais si. Déjà, à la base, la Stamptation, il y a, je crois, 3 ou 4 groupes qui s'appellent comme ça. Ah. Donc déjà pour trouver The Last Temptation, enfin le Last Temptation qui Moi, je te passe au l'avais. Hellfest. Tu l'avais marqué. Ouais, mais moi je me suis planté en plus. J'ai commencé à écouter sur Spotify, sauf que c'est un autre groupe, Last Temptation. J'avais dit qu'il n'y avait rien à écouter. Et du coup, c'est ce que j'ai mis. C'est un groupe de glam. Mais non, mais va pas nous parler d'un groupe qui n'existe pas. Enfin, qu'on n'a pas. Bah si, c'est un groupe de glam. Oui, mais c'est pas celui-là. Si, un groupe de hard rock. Ah Glam bah. Hard Rock, j'ai été voir sur leur page Facebook D'accord, et il se ils... considère comme glamour. Ouais, bah ouais. Bah capillairement, ouais, Mais c'est eux. non! Qu'est-ce que tu dis? C'est eux. Mais non, justement, c'est pas eux, c'est ce que je t'ai J'ai dit. été voir sur leur page Facebook et ils ont le truc Hellfest. Mais non, c'est pas eux qui ont le truc Hellfest. Toi, tu parles du groupe allemand, je crois, Mais ou... non! C'est un groupe américain, ça. Hein. Alors, attention Date de là. formation 87. En direct live, on va s'embrouiller. Non, non, non, vas-y, je veux juste que tu. Parce que je te dis, il y a 3 ou 4 groupes qui s'appellent Last Ouais, Temptation, mais ils ont donc. peut-être pas tous marqué qu'ils allaient au Hellfest. Et ben justement, celui-là, il l'a marqué. Normalement, c'est lui. Regarde l'affiche. Ouais. Ça, c'est lui. C'est le nouveau groupe qui a été formé cette année. À propos, tu vois, et on sait rien. On sait rien de ce groupe classique hard rock. Après, il y a peut-être un lien avec ça, mais où est-ce que toi t'as vu que les Peut-être. où est-ce que t'as vu que les tiens ils allaient Wellfest. Ah bah, je sais pas, c'est je ne sais pas. Faut que je renvoie, mais. Putain, le mec va devoir revoir sa copie. Et du coup, eux, bah, y a rien à écouter, en fait, non plus. Mais, vendredi à venir, vendredi 21 juin. Ils parlent des musiciens possibles du groupe. Et, tu vois, il y a Hellfest, The Uptown Station. Punaise. Bon. Bah oui, il n'y a rien à écouter, donc du coup... Attends. Et mon gars, et tu vas quand même te renseigner un peu correctement. Hein, tu vas retourner voir ta copie. Je vais refouer. Et ma copine. Voilà. Featuring, là, tu vois, j'en ai un autre. Featuring former member of Ozzy Osbourne, Black Sabbath, Trim, Wasp, Watcha, Pride and Glory, Wish You a Lovely Merry Christmas and a Rocking New Year. Ok. Tu vois ? Tout à fait. C'est le seul truc, et c'était un peu aussi mon interrogation de pourquoi faire venir ce groupe, vu qu'il n'y a rien. Ben, donc, c'est ça. Mais ça, c'est un autre problème. Bon. Ouais, hein. Eh ben écoute, bien bossé, mec. Eh, tu vois, il n'y a rien à écouter, il n'y a rien sur le groupe, et ben j'arrive à me planter quand même. C'est quand même fort. Bon, eh ben écoute. Eh ben voilà, hein, c'était Last Temptation. Très très bien. Voilà, bah, je vous le conseille. Non. J'y serai pas. Ou j'y serai, je ne sais pas. Il joue en main stage le vendredi. J'y serai pas. Très bien. Eh ben, je pense que c'est ta meilleure chronique. De tous les temps, à venir et passer. Et après, quand ma femme elle te fait des blagues, tu dis... Bah là, je peux pas faire autrement, il n'y a rien sur le groupe. Mais tu t'es quand même planté de groupe. Eh ben ouais, c'est ça qui a fait durer la chronique. T'as écouté un groupe qui n'est pas un groupe. J'ai rien écouté. Ah bon ? Si, j'ai écouté, mais j'ai dit non, c'est pas pour moi. C'était pas ça, surtout. C'était pas ça, c'est pour ça que c'était pas pour moi. Bon, bah écoute... C'est ce que tu vois, si ma je chronique fais pas d'efforts non plus. En fait. Voilà, bon, d'accord. Très bien. Bon, bah, je passe au prochain. Non. Je veux continuer à parler de Olaz. Je t'en prie, fais-nous rêver. Allez, vas-y. Alors, mon dernier groupe est Stinky. Donc, Stinky Bollock, groupe de punk hardcore. Pardon. C'est pas une blague. Hein. C'est pas du tout. Le nom de merde. Mais écoute-moi. Stinky Bollocks. Groupe de punk hardcore démarre sa carrière en 2010 du côté de Nantes, enfin pas très loin. Donc, Cocorico. Hey, Cocorico. Après quelques changements de line-up et en prenant un petit raccourci, nous voici arrivés en 2014. Ah bah oui, c'est sûr. Je gagne du temps. Stinky perd son bollocks, mais gagne avec l'arrivée de Claire au chant. Un petit quelque chose en plus. D'accord. Ok. Alors, pas forcément un chant plus féminin, mais une personnalité différente au groupe. Ce n'est pas Titouan, Sébastien, Redouane et Paul qui me contrediront, même si je ne les connais pas et que finalement, ils pourraient très bien me contredire. Mais c'est presque des potes maintenant. On est à deux doigts de boire une bière ensemble et de faire une interview. Donc bon. Ah bah ouais. Hein. En fait, c'est à travers ce micro que j'essaie de dire. Les gars, on est chaud. Enfin, surtout moi. Ouais, je t'ai dit plutôt que Stinky n'est pas très loin de Nantes, mais j'aurais peut-être dû préciser qu'ils habitaient Clisson. Ah... Du coup, après avoir déjà joué en Warzone en 2014, les chanceux, ils reviennent sur le festoche quand ils ne jouent pas pour donner un coup de main, toujours à la Warzone. Fort de 300 concerts dans 16 pays différents, 4 tours d'Europe et des participations à divers festivals, et avec pas moins de 3 EP et 2 albums, c'est le groupe qui aura le moins de distance à parcourir pour jouer cette année. Car Stinky jouera à nouveau en Warzone. Forfait. Tu vois ? T'as un peu. Je t'en trouve, moi, des trucs. Car Stinky jouera à nouveau en Warzone vendredi, mais surtout, quoi qu'il arrive, Stinky sera à la maison. Et du coup, pas besoin de tente. Pas besoin de tente. C'est vrai que les mecs... Eh, du coup, tant qu'on est là, les gars, on cherche un logement. Alors, si vous pouvez nous dépanner d'un canapé, ouais, d'un truc... Hein. On est plutôt chaud. Non, alors plus sérieusement, c'est du putain de bon hardcore. Ça fait plaisir. J'ai eu tellement la chance de groupe de hardcore l'année dernière que cette année, j'en avais pas trop. Ouais, c'est vrai. Et ben là, ça m'a fait du bien. Ah là là. vraiment, j'étais content de retrouver ça. En plus, j'avais pas du tout capté au début que le chant était assuré par une chanteuse. Je l'ai vraiment vu qu'en regardant des clips où j'ai quand même pris une claque parce que... Alors, Claire, si jamais tu viens écouter, c'est pas du tout péjoratif, mais elle a un visage tout gentil, tout doux. Oui. à aucun moment tu dirais qu'elle est chanteuse dans un groupe de hardcore. Et pourtant, quand tu la vois sur scène dans les vidéos, elle envoie sacrément du lourd. Ouais. C'est du bon hardcore qui donne envie de donner des coups de coude, donner des coups de pied, qui donne envie de bouger partout. Alors, j'ai quand même beaucoup plus préféré le côté live de ce que j'ai vu de leur prestation. À l'audio, ça marche aussi. Ça fait un peu moins d'effet que certains autres groupes de hardcore que je peux kiffer. Sur la longueur d'un album, enfin la longueur, c'est des albums très courts et c'est exactement ce qu'il faut, c'est très bien. Mais de temps en temps, il m'arrive un peu de relâcher la pression, alors que vraiment, j'ai très très très très envie d'aller les voir en live, par contre. Tu vois, j'ai vraiment, j'ai surkiffé, peut-être pas forcément au point d'acheter un album directement. Mm-hmm. J'ai envie de continuer à écouter pour approfondir ce que j'ai vu, mais j'ai très envie de les voir, par contre. J'ai vraiment extrêmement envie de les voir, parce qu'ils sont de Clisson, parce qu'ils sont cocoricosiens, parce que le peu que j'ai vu de live m'a vraiment, vraiment marqué, et que j'ai trouvé ça super efficace. Et vraiment, je suis super sérieux, je pense que Bob me suivra, mais ça serait super cool d'échanger, de boire une bière et de faire une interview ensemble, parce que, je sais pas, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe. Non, bref, c'était très très cool, j'ai beaucoup apprécié ce que j'ai écouté, mais j'ai beaucoup plus envie de vous voir en vrai. Voilà. En live, en tout cas. Oui. Qu'on devienne copains, qu'on fait le 06, qu'on s'envoie des messages Instagram. C'est vrai. Donc voilà, c'était cool. Donc j'ai dit ou pas qu'il jouait à la Warzone? Ouais, je crois que tu l'as précisé. Ah bon, bah, j'avais un doute. Très bien. 7 ou 8 fois, je sais plus. Très bien. Donc voilà, Stinky, c'est bien. Petite chose qui m'a beaucoup amusé. C'est que sur leur page de couverture de Facebook, il y a une photo de concert et c'est marqué sur le côté confirmé à Hellfest. Et je me suis dit, putain, eux, ils sont vraiment contents d'y aller. Ben ouais. Comme je ne connaissais pas le groupe, je ne savais pas du tout. Je dis, bah, moi, ils le marquent, tu vois, c'est cool. Donc voilà, Stinky, un groupe que je te conseille. Tout à fait. Eh bien, écoute, j'irai voir. Avec plaisir. J'irai écouter ça. Ou avec parcimonie de choisir la fille avec qui tu vas, je m'en fous. T'as compris? T'as compris. Elle est bonne. Allez, dernier groupe à toi, Bob. Ah, dernier Dépêche groupe toi, à moi. Il se fait tard. Me First and the Gim Gims. Ah bah tiens, ça va lancer un autre débat, ça. Ouais. Je peux te dire que je suis chaud. Ah bah vas-y, c'est parti. Bah, non, bah parle-en. Ok, pardon. Donc, on peut les appeler aussi Me First ou alors The Gims. Hein. Attends, petit aparté. Ça fait déjà 1h40. Ouais, ok, d'accord. Non, donc non, c'est un c'est groupe fou. Américain c'est de fou. Punk rock, pop punk, skate punk. Hmm. D'accord. Punk à roulette. Punk. Punk. Punk. Punk. En action depuis 95. Mm-hmm. Hein, voilà. Donc, c'est un super groupe. Ah bon? Ouais. Ah, je savais pas, tiens. Et ouais. Et donc, il y a Spike Slowson, pardon, au chant, des Swinging Hunters. D'accord. Joey Cape à la guitare de Lagwagon. D'accord. Groupe de punk à roulette. Chris Shiflett. Chris Shiflett, pardon. À la guitare. Shiflett, hein. Tu tombes. Qui est le guitariste des Foo Fighters? Ah bon? Ouais. Oh, et qui est un ex No Use for a Name. Bon, bah, genre, il y a Fat Mike. Le gros Mike? Ouais. Le Fat Mike de NoFX à la basse. Merde, bon, bah, y aura pas de débat alors. Ce que t'es en train de dire annule ce que je voulais dire. Et bah voilà. Et Dave Rohn à la batterie de Lagwagon. Donc voilà. Est-ce que les premiers groupes, tu les connaissais aussi ou pas? Donc, Swinging Hutters, je connais pas. Lagwagon, je connais. Foo Fighters, No Use for a Name, je connais. NoFX et Lagwagon, je connais. Foo Fighters, ça me vient. Hein. Si, c'est un groupe. De Grange? C'est un groupe lettonien, je crois. Je connais pas trop la Belgique. Voilà. Donc, Me First and the Gim Gims est formé en 95 comme cover band. C'est vrai. C'est ça. Ah, parce ça. Que... Ah bah tiens, c'était voilà. Un peu ça mon débat. Hein. Parce que parmi les reprises, on trouve entre autres Rocketman d'Elton John. C'est vrai, je l'ai entendu. Ouais. All My Loving et Strawberry Fields Forever des Beatles. Mm-hmm. Crazy de Seal. Mm-hmm. Voilà. Ou encore I Believe I Can Fly de R. Kelly. Mm. Voilà. Mais pas que, hein. Pas que. Il y en a beaucoup d'autres. Il y en a moult. Il y en a moult. Hein. J'ai vu qu'il y avait Sodomy aussi de R. Il y avait... Moi, j'ai quand même cru que c'était qu'un groupe de reprises. Hein. Ouais, hein, grosso merdo, c'est quand même ce qu'ils font à 95% du temps. Bah c'est ça. Voire même 100%. Ne nous enflammons pas sur les chiffres. Je ne m'enflamme pas. Ne nous enflamme. Voilà. Est-ce que je peux lancer mon débat maintenant ? Vas-y, fais. Il est 1h44. Ou ça non. Fait 1h44, je ne sais plus. En fait, bah du coup, ça annule ce que tu veux dire. Mais au début, j'avais un peu un doute sur le côté est-ce qu'un groupe de reprise aurait sa place au Hellfest ? Bah vu comment c'est fait, moi je dis oui. Bah non, en fait, alors, j'avais deux choix. Effectivement, vu comment c'est fait, c'est très bien fait. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais en fait, comme tu m'as dit que c'était un super groupe, ça annule tout, en fait. J'avais un peu peur que c'était le côté un groupe de reprise qui prenne la place d'un vrai groupe. D'un vrai groupe. Voilà. Et c'était un peu ça ce que je voulais dire. Mais comme c'est un super groupe, ça s'annule automatiquement. Et donc, le débat est caduc. Je t'en prie, reprends. Ok. Je voulais juste aller au bout de ma pensée parce que ça me fait du bien, des fois, au bout de ma pensée. C'est bien. Il faut. Je suis fier. Certains de leurs albums ont un thème musical unique. Our Drag reprend des chansons célèbres de comédies musicales, par exemple. Mm-hmm. Blow in My Wind est consacré au rock des années 60. Et Take a Break ne contient que des reprises de tubes R&B. Exact. Voilà. Par ailleurs, Me First and the Gim Gims ont à leur actif toute une série de vinyles, apparemment. Oui, j'ai vu ça. Ouais. Ouais, contenant chacun d'eux deux chansons. Sur chaque vinyle. Donc voilà, une par face d'un chanteur particulier, parmi lesquels on trouve Billy Joel. Donc Billy, c'est le nom des vinyles, qui date de 96. Barry Manilow, qui s'appelle Barry, 97. Simon & Garfunkel, qui s'appelle Garf, 99. Ou encore Bob Dylan, qui s'appelle Bob, 2001. Voilà. Ça, c'est stylé, ça. Ça, c'est stylé. Des titres et des albums peuvent souvent être entendus à double en sens en anglais. Voilà, pour préciser. Donc voilà, de ce que j'en ai écouté, moi, c'est plein d'humour, c'est du punk, ça marche bien. Les mecs sont pas là pour se prendre la tête, ils sont pas là pour être sérieux. Tu vois bien à leur tenue, hein, vestimentaire. Hein. Apparemment, ils ont même carrément des couleurs respectives, chacun. Mm. Voilà, le rouge pour Fat Mike, le vert pour Chris, le bleu pour Joey. Voilà, c'est un truc qu'ils ont entre eux. Mais voilà, ils ont quand même pas mal d'albums, hein, de qu'est-ce que j'en ai vu. Il doit y avoir 5 albums, je crois, 5 ou 6. Pas mal de reprises. Hein, donc, y a Neil Diamond, il y a Terry Jacks, James Taylor. Est-ce que tu as vu ce que ça donnait en live ? J'ai dû voir un live. Moi, ouais, j'ai vu un live. Enfin, une chanson en live. C'est tout à fait dans l'esprit, quoi. D'accord. Voilà, il n'y a pas de... Est-ce que tu iras les voir ? Pourquoi pas ? Je dis pas oui, je dis pas non, je sais pas. Ah, je pensais que t'aurais été plus emballé que ça, tu vois. J'aime bien l'idée, j'aime bien l'esprit du truc. Mm-hmm. Mais après, voilà, s'il y a un autre truc qui me botte plus, j'irai voir forcément l'autre. Parce que ça reste des reprises ou... Parce que ça t'a pas autant emballé que ça. Ouais, parce que c'est pas un groupe à proprement dit, donc... Ah, tu vois. Mon débat était pas ça. Aurait été NoFX ou Foo Fighters. Ou Foo Fighters. Ou Metallica. Très bien. Voilà. Oui, je comprends. Ou Iron Maiden. Ah. Ou Metal Hammer. Enfin, tu vois. D'accord. Très bien. Voilà. Pas d'autre chose à en dire ? Ben non, pas grand-chose. Donc je te chose. Demande pas si tu as un album. Là non, ça fait beaucoup. Puis non, franchement, écouter du Jackson 5 version punk rock à l'arrière, je préfère l'écouter sur Spotify. Tu vois. Je suis d'accord. Je comprends ce que tu veux dire. Très bien. C'est donc ainsi que s'achèvent les chroniques et l'épisode 13 de Road to Hellfest, saison 3. On va donc passer maintenant au tirage au sort. Parce que c'est ça. C'est un petit peu le moment qui nous fait frémir. Gloria Gaynor et Will Survive. Ouais, je suis d'accord. C'est pas... The Carpenter, Lady Gaga aussi. Donc. Hop. Daughters. Eh, c'est marrant parce que t'en as une. Ouais, t'as vu. Daughters, très bien. On ne connaît pas, je ne connais pas. Non plus. Très bien. À moi. Roulement de langue sur la... Demon and Wizard. Très bien, très très bien. Bah pourquoi pas. Je crois que c'est un espèce de super groupe. Hein. Ah ouais. Je suis pas sûr, mais en tout cas il y a un musicien. C'est plutôt quoi, le Demon ou le Wizard ? Il y a quelqu'un de connu dans l'histoire. Hein. Ah ah. Tu nous en diras plus alors. J'essaierai. C'est quoi ce que c'est ? Le bal des enragés. Je connais pas. Ça doit être. C'est pas un. C'est israélien, je crois. Tu crois ? Ouais. C'est con, ça marche pas bien avec le calendrier, sinon t'aurais presque pu aller les voir et après dire bah j'en viens, j'en rentre. ouais, c'est pas faux. Alors. Oh, Candlemas ! D'accord. Un groupe qui est un peu. On en parle en ce moment. Ah ouais ? Ouais. Ou alors je confonds avec un autre groupe. Mais, c'est possible. que je confonde ? Ou qu'on en parle ? Non, non, que. Je sais pas. Il me semble qu'ils sont un peu. Oh, tiens ! Kiss ! Oh, salaud ! Mais tu es. Je suis content pour toi et déçu pour moi, tu vois. Ah ouais ? Ah non, mais j'avais envie de. J'ai jamais écouté de Kiss, donc. Eh ben, je t'avouerai que moi non plus. Enfin, jamais écouté. Si, les classiques. Bah ouais. Oh, c'est que c'est mauvais. Punish Yourself. Ah tiens, bah, tu vas te taper un peu d'électro, ça va être sympa. Quoi ? Ah bah oui. Ah non, non, non. On échange. Avec quoi ? Kiss. Il y a de l'électro là-dedans ? Bah oui. Ah non, bah, oui, non. Punish Yourself, tu vas t'en... Bah il n'y a pas de la bagarre ? Ah non. Bah, punish yourself, bordel! Eh bah ouais, mais je les ai vus une fois au Hellfest. Ouais, mais ça veut rien dire. Ça, c'est de l'électro. Si tu connais KMFDM ou ce genre de truc. Donc tu as. Attends, bah dis, ah oui, parce que sinon les gens ils vont croire que c'est moi. Alors, Wig Dude! Wig Dude! Tu connais? Je ne connais pas. Alors. Toi qui voulais faire des découvertes, t'en as au moins 2 sur 4. Ouais. Wig Dude! Attends, et si ça se trouve, tu vas reprendre Kiss de début, tu vas dire, eh bah en fait, je suis passé à côté de quelque chose. Et j'ai bien fait. Essaye de t'en rappeler pour la semaine prochaine. Ah ! Et moi, je vais écouter The Dent. The Dent ? The Dent, je pense. D'accord. The Dent. Mon dernier ? Non, c'est bon, t'as déjà fait les 4, je te montre The Dent, c'est tout. The Dent. Voilà. Après Rick Dude. T'as fait plusieurs. Ouais, j'ai... À part Demon and Wizard que j'ai dû écouter, hein, c'est sûr, ouais. Dans ma vie. Mais alors, les trois. Bah, mais Candlemas, c'est pas. Eh, moi je suis un mec, je te dis Candlemas. Tu crois ? Écoute, faut pas le rapport avec être un mec, mais bon. Ah, mais Candlemas par contre. La test release, doom to doom. Ouais, je suis sûr qu'ils en parlent dans le. Rick Dude. Non, mais je suis sûr qu'ils en parlent dans le dernier Rockhard et tout. Ouais ? Ouais, je suis sûr. Eh bien, voilà comment les groupes de l'épisode 14 qui aura potentiellement, peut-être dès qu'on saura, on vous le dira, lieu la semaine prochaine. Ouais. De toute façon. ouais, bah, en fait, ce geste que tu me fais depuis tout à l'heure, personne ne le voit à part moi, donc ça marche pas. Non, mais c'est pas grave. Du coup, bah, peut-être même que tu sais là-haut, si tu. La semaine prochaine. Ah, bah, peut-être que je sais là-haut, ouais. Très bien. terminons l'épisode là, ça fait 1h52. C'est tout. Comment on a fait pour que ça dure aussi longtemps ? Je ne sais pas. C'est mes chroniques, je pense. Je suis désolé. Franchement, j'ai monopolisé la parole et des fois je m'emporte comme ça. Tu veux que je te dise ? Bah, je suis content qu'on gagne pas d'argent et que je te paye pas. Parce que ça pourrait peut-être mal au cul à un moment. Ah bah écoute, il faudrait être payé à la rentabilité. À la chronique ? À la chronique. Au mot. Mais en même temps, j'y peux rien. Je tombe sur des groupes qui n'ont rien. Que tu ne trouves pas. En plus. Des groupes. Donc les mecs se planquent pour pas que je les trouve. C'est vrai que c'est salaud. Par contre, juste entre nous, on est quand même au mois de mars. Avril, mai, juin, dans 3 mois, il y a le fest. On n'a toujours rien entendu. J'ai espoir. On n'a rien entendu. Bah, de ce groupe. Ah oui, oui. Bah, complètement. Donc, comment ça s'appelle déjà ? Last Temptation. Oui, Last Temptation. Bah oui, c'est ça. Mais ça se trouve, c'est pas celui-là. Mais si. Tu sais, les mecs, ils ont volé l'identité des... Et ouais. Ah, j'imagine plein de choses. Moi, il reste le mystère de pourquoi ils sont là. Mais bref. Alors, donc... Mais t'imagines ? Non. Et toi ? Bah, pareil. Bon, on se retrouve rapidement, prochainement et dans pas longtemps. Ouais. Peut-être une semaine, peut-être plus, allez savoir. En tout cas, on vous aime. Et on vous emmerde. À la prochaine fois. Non, à la prochaine fois, ça sonne pas. Hein. Non, c'est de la merde. Tant pis, allez, on va. On vous aime. Et on vous emmerde. À la semaine prochaine. Ou pas. Mais ça sera forcément la semaine prochaine, mais on sait pas forcément la semaine. Dites-toi. Ah, mais ça, faut qu'on ferme nos mouilles alors dans ces cas-là. Qu'on dise rien. Pourquoi ? Non, mais c'est pas ça. Ils verront bien, de toute façon, la semaine prochaine. Non, mais à un moment donné... Si on n'est pas là, ils vont s'inquiéter. Bon, qu'est-ce qu'on dit alors ? On vous aime, on vous emmerde. À la prochaine, non? Et toi, là, la... Et toi, là, la pro... Non. Et toi, là-bas, arrête on vous aime, on vous emmerde. Marcher sur les bégonias. Passez une bonne semaine. C'est pas mal, ça. Pas mal, ça, on tente. Ouais, on tente. C'est mieux, vas-y. Ouais, tout est en direct, les gens. On vous aime. Et on vous emmerde. Passez une bonne semaine. Non, ça colle pas. Là, c'est nul. Et une bonne semaine. La bonne non, semaine. Non, non, non. Non. Oh merde. Ah non, c'est chiant parce qu'on est quand même sur, on est sur la fin. Non, il faut un truc qui truc, pêche, tu vois. Un truc qui claque. Ouais. Parce que le on vous aime, on vous emmerde, ça marche bien. Mais pour ça, à la semaine prochaine, ça marchait bien aussi. Ouais. À la prochaine fois, non. Non, passez une hell fucking semaine. Oh, pff, non, c'est trop long. Non, c'est trop long. Et une fucking semaine. Bah non, ça fait trop de fucking. D'accord. Ouais, enfin bon, avec emmerde. Emmerde, fucking. Et on vous emmerde. Mais c'est pas grave. Tant pis. C'est un truc qui est complètement. Ouais. On vous aime et on vous emmerde. Tant pis. Ouais, non. C'est pas assez péchu. Non, bah ça marche un peu moins. Ouais. On vous aime, on vous emmerde. Ah, on vous aime et on vous emmerde. Et vous aussi. Non. Et sabots de bois. C'est pas mal. On vous aime et on vous emmerde. Et sabots de bois. Ouais. Ça n'a pas de sens. Non, c'est non. Vrai. Non, c'est pas... Je suis pas fermé, je suis pas contre, mais... On vous l'azur. Aime. Non. On vous aime. Pareil. Et on vous emmerde. Passez une bonne semaine. Non. Non, ça fait l'émission du matin sur France 2. Mais, si on pouvait, au moins. Si on pouvait. Hein. Ouais, déjà, faire une émission du matin sur France 2. On ferait pas les fiers, mais on y serait quand même. C'est ça. Alors, on vous aime et on vous emmerde. Bah, on s'arrête là. Mais faut... Et c'était metal. C'était rock'n'roll. Non, c'était pas. C'était Lovinio. Non, c'était pas. C'était pas. On vous aime et on vous emmerde. Oh my by myself. Allez. Non mais hey, on vous aime et on vous emmerde. Bye. Allez, salut. On, hop. Ouais, ou alors on ferme nos gueules et puis. Voilà, on vous aime et on vous emmerde. Allez, salut, salut, bye, bye, bisous. Coucou. C'est bien ça, coucou. Je vais éternuer. Vas-y. Oh, putain. Ah, c'est pas mal ça. Je me suis surpris. Le problème, c'est que tu pourras pas le faire à chaque fois, mais non. Sinon, c'est pas mal. C'est péchu. C'est... Bon, on vous aime et on vous emmerde. Allez, on se casse. C'est bon, salut. Chut, on va travailler là-dessus, on trouvera un truc. On vous aime. Ça fait long quand même à chaque fois. Non, mais... Et on se casse. C'est bon, on trouve un truc, on va travailler là-dessus. Je suis pas à 100%. Bon, allez. Je pense que préférais c'est... sabot de bois, alors, d'ailleurs. Allez, ça, je suis d'accord. On vous aime. Et on vous emmerde, sabot de bois. Fallait finir par quelque chose.